les gars. Ce soir, il faudra composer avec l'absence d'un joueur. Le 88 a décidé de pas jouer. Par exemple, on me dit que ça se peut qu'il essaie de scorer quand même. Mais là, on a eu la confirmation qu'on va être dans les playoffs. Puis pour être dans les playoffs, qu'est-ce que ça prend? Ça prend du caractère. Ça prend de la force, de la détermination, puis des couilles. Puis à 4, on a 8 des couilles. Ça devrait être en masse, ça. À moins qu'il y ait des choses qu'on sache pas. Homme de neuf! Fait que les gars, vos bâtons dans le milieu. Pas de Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'épisode numéro 4 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75. Jean-François Comte, le numéro 7. David Thibodeau. Numéro 13, David Thibodeau. Hey, ça va bien à soir. Le numéro 7, Martin Véro. Et le numéro 98, Alex Lucic. Galipo. Moi, je t'arrête de songer à changer de numéro. Ouais. Trop tu veux le 7, là? Non, trop de monde qui prennent le 13 à cette heure. C'est plus rendu original. 13, c'est à cette heure, là, tu joues online là, à NHL, là, puis tout le monde a le numéro 13. Parce que 98, il y en a pas mal et tout, vous l'avez. Moi, je vois. Je pense que je vais changer de numéro. Je vais prendre mon ancien. Là. Le 7? Non. Jamais le 7. Non, je prenais le 21. Sur cette discussion de chiffres, ben bienvenue tout le monde à la soirée du podcast. Numéro de Peter Falk. NHL 98-99, là, c'est le 21 day. Okay. Nous sommes un podcast de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey en général. Et on vous parle ici de hockey avec passion et boisson, bien sûr. Avec les gars... Ça rime tellement bien ensemble, passion et boisson. Ben oui, écoute... Ça fit. Ah, ça marche. C'est un naturel. Êtes-vous tous prêts, les gars, à sauter sur la glace dès maintenant? Attachez vos patins bien comme il faut, là, puis mettez votre tape. Là. Ah, c'est trop serré. Dave, aurais-tu quelque chose à dire avant de commencer? Non? Ben, tu peux y aller. Vous pouvez nous rejoindre à live. Young.ca/live, on est en direct présentement. Sinon, young.ca, toutes nos activités. Pour ceux qui nous écoutent en différé, bien important comme point. Là, de savoir qu'on est live. Comme mention qu'on vient vous dire qu'on est live. Ben, s'ils le mettent, ils peuvent l'avoir le dernier, avec toute la chat. Je l'ai fait, moi. Ouais. Sur ça, on va commencer la partie. Ça, c'est quelque chose. Sur ce magnifique et glorieux high five, on drop la puck et on commence la première période. Sur ce. Ben, c'est ça, moi, je pense que... Les gars, le Canadien qui s'est sorti, on ne sait pas encore, là, d'une période creuse. Ouais. On le sait pas. Que se passe-t-il avec le Canadien de Montréal? Léthargie. Ouais. Est-ce qu'on parle de tout de suite ou on parle de... Il y a d'autres choses qui sont passées avant. Parlons tout d'abord de l'acquisition de Jeff Halpern. C'est bon ça, parce que justement, on est en début de partie, puis c'est bon parler à Halpern parce que c'est un gars de mise en jeu. Fait que il est bon, on le start sur le premier jeu, on le met à la mise en jeu. C'est le premier jeu, man. Tu le mets là au centre, first drop of the puck. En soir, ça a l'air que oui, il est le premier sur la liste. Ah ouais, ah ok. Beaucoup de retours dans le Canadien cette année. Ouais, mais ça c'est un bon retour, parce que pour le vrai, il jouait même pas avec les Rangers. Non, il était benché tout le temps. Puis pour le vrai, c'est vraiment une lacune qu'on avait depuis le début de l'année. Ouais. Les mises au jeu, on était vraiment pas bons, là. Ouais, mais à part de ça, c'est un bon joueur de 4ème trio. Lui ou Ryan White. Lui ou Ryan White au centre de la 4ème ligne. Lui ou prendre Jeff Halpern. Mettons lui que ou White que... qui te fait perdre un match parce qu'il est trop épais et qu'il pète un plomb. Là. Non, mais Halpern, pour vrai, c'est pas lui qui va changer. Ouais, mais Halpern jouerait jamais à la game de White. C'est deux joueurs complètement différents. Il pourrait changer une game. Si mettons, là, c'est on perd 3-2, on a enlevé le goaler. On est 6 contre 5. Ils mettent il met à mise en jeu, puis ils mettent Plekky comme remplaçant. Ou ils mettent comme deuxième mise au jeu. Ça veut dire que oui, il y a Desharnais ou Plekky, mais il est là en backup si les autres se font mettre dehors de la game. Il pourrait changer la game. Ils l'ont fait souvent cette année depuis qu'il est là à date. Là. Ouais. Ils mettent Alpern, sa mise en jeu, puis Asti, ça retourne au bas. Mais ça, c'est une affaire, moi, qui me gosse tellement dans les games d'hockey cette année, là. Les mises en jeu, là, qui arrêtent pas, le ref, là, qui arrête pas de débarquer. Asti, c'est long. Ça finit de faire les switches de joueurs, c'est fatigant, ça. C'est parti de la game, ça. Non. Drop ton ass. C'est fatigant. Ça apporte zéro à la game, parce que la game est même pas commencée avec ça. Moi, je trouve ça fatigant. Drop the fucking puck, puis. Non, come mais on, c'est comme Plaqué dans les années passées qui mettait son skate en avant. C'est sûr que si tu joues genre à l'étranger, t'es le premier, il faut qu'il droppe ton bâton. Ah non, mais des fois, là, ben ça là, même il fait pas tout de suite, ben, il va se faire un move illégal. Parce que ça, c'est un move illégal. First of all. C'est ça qui check, ça se fait un move illégal. Mais si il droppait à Puck plus vite, les arbitres, il n'y aurait pas de niaisage de même. Ok, sur les icing et tout ça, I agree. Parce que man, des fois, des équipes prennent vraiment leur temps pour mettre leur ligne. Même si les gars sont fatigués, tabarnak, puis il faudrait que ça soit tout de suite. Un icing. Ça, t'as raison. Mais tu sais, dans le milieu, c'est correct de tester les gars, voir le move qu'il va faire, puis non, ce move-là, t'es illégal. Non, mais c'est pas rapport parce que le ref, là, souvent, là, c'est juste un petit coup de palette là, de rien là, qui est comme un peu quick, là, puis pas, parce que sort le gars de la mise. Ah, fuck off. C'est pour les deux équipes. Le hockey, ça a toujours été le même. Moi, je suis d'accord que ça reste le même. Ça me dérange pas. Moi, j'aime ça. La mise au jeu, c'est une technique. Je trouve ça long. Je trouve que c'est de la perte de temps. La mise au jeu, c'est une technique qui est dure à avoir, puis c'est pour ça qu'on va chercher du joueur de même, parce que les autres, ils l'ont. Il y a Yannick Perrault qui l'a. Tanguy, c'est pas Tanguy, non. Yannick Perrault, Tanguy, il me semble qu'il était bon. Tanguy est pas blessé d'ailleurs. Non, il a fini pour la saison. Mais tu sais, comme Guy Carbonneau, ces gars-là, ils ont eu une place. Ouais, mais là, est-ce que tu compareras pas Chris Alpern puis Carbo? Carbo, t'es meilleur. Mais juste, c'est des techniciens mis au jeu. C'est des techniciens mis au jeu. Oh, ouais, il était carrément dans les mises en jeu. C'est pour ça qu'on est allé chercher. Alpern, là. Ben, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a, là. Mais quand tu prends les mises au jeu, t'as la c'est pas rien, c'est pas rien. C'est quand même un bon joueur de quatrième trio. Oh, il fait, il fera pas, il fera pas, ou Moen, il va me fera pas, ben, dans le cas, j'aime mieux lui que Moen, parce que tu sais qu'il fera pas d'erreur, il fera rien d'étincelant, mais il fera pas d'erreur, il fera pas perdre ton équipe, puis en repli défensif, il est très bon. Ouais. Bon, c'est un spécialiste, les avantages numériques, il changera jamais la ligue, ben oui, il va changer la game, parce que justement, c'est un spécialiste, sauf que, il va pas l'envoyer mise au jeu, dans la game, là, sur le gros jeu, là, dans la grosse action. Non, mais il peut te faire marquer le but gagnant ou le but égalisateur en troisième à la fin, dans la zone adverse en power play, ce qui arrive très souvent, d'ailleurs. Il fait le pass au défenseur, le défenseur shoot, man, à la fin de la troisième période, puis on perd par un but, puis on enlève les goalers, man, Chris, ça peut te faire gagner un match, ça peut peut-être même t'en faire gagner à la coupe. Non, c'est pas. Au prix qui coûte, on s'est entendu que c'est pas une mauvaise acquisition. On passe au vote. L'acquisition d'Alpern est une bonne chose, oui ou non? Oui. Oui. Ben, ça peut pas être une mauvaise chose, mais moi, je suis pas bandé Alpern. Ben, je suis pas bandé Alpern. Oui, non. C'est tout bandé. Toi, c'est oui, non. On n'est pas bandé Alpern. Écoute bien, écoute bien. Pas personne qui est bandé Alpern ici, là. Ok, c'est oui ou non. Ouais. Tu peux pas faire. Non, oui ou non. Bah, ni chaud ni froid. Alors. Sérieux, ben, ok, on a donc statué sur le cas d'Alpern 3 contre 1 que c'était un bon. Yes. Une bonne acquisition. Désolé, Martin. Mais ça fait pas mal. Ça fait c'est pas pour ça que t'as le chandail noir ce ça soir. Ça fait pas mal à l'équipe. Pas de contact. Ça aide, fait que oui. Toi, t'as pas le chandail du Canadien? Je vais régler la situation de là. Ouais, pendant que Dave. Moi, cette affaire-là, moi, je le cadre. C'est une pénalité, ça, pour pas être en uniforme pendant quand pendant qu'il l'a, en plus. S'il l'aurait pas, ben, je l'ai pas emmené, genre. Okay, c'est non, non, mais il là, il l'a, en plus. J'ai oublié. Alors, c'est un plus. J'ai oublié, en plus. Un plus value pour ceux qui ne l'ont pas. Delay of game, ça? Ouais, delay of game, 2 minutes, Dave. Parlons de celui qui a peut-être joué son dernier match pour le Canadien, Ryan White. Bye-bye. Est-ce que vous pensez qu'il va revenir? Est-ce non. Qu'il... Non, non. C'est fini, White? Ouais. Ouais, moi, je garde Gabriel Dubon over White, là. Ouais. Oui. Pas même pendant les séries. Ben, moi, je te dirais que tant qu'à être là, aussi bien, aussi. Parler en même temps de Moen aussi que Gab. Mais Moen, on va regarder Blue Siri. Non, mais Moen, on en parle. Non, mais attends, Moen, c'est un autre cas complètement. Parce que là, on parle de la suspension de 5 matchs. Ok, de bon, White, ben White, 5 matchs. C'est suite à ça. De toute façon, en partant, suspension de 5 matchs. Mérité, oui ou non? Mérité, ben oui. Ben mérité, non, mais t'as peu. Mérité, oui. Mérité pour un joueur comme White. Parce que sinon, ça aurait été Ovechkin qui aurait fait ça, ça aurait jamais été 5 matchs. Ouais, mais on n'avait pas eu un game. Parce que c'était juste. L'intention était bonne. Sérieusement. Non, mais sérieusement, il y a eu des mises en échec pas mal plus cochonnes oui. Que ça cette année avec oui, zéro Shanahan. Ouais, ah non, mais arrête là. Mark, sérieux, il y a des affaires qui étaient bien plus délibérées que ça cette année. Mark, avec il y a eu zéro, avec il y a eu zéro, mais c'est juste parce Mark. Que c'est juste parce que c'est un Ford Liner. Je compare pas avec les autres. Ouais, non, je sais, mais c'est deux poids, deux mesures. Oui, ça, je te le donne. Moi, ce que c'est juste ça mon point. C'est juste que je pense que c'est mérité. Pour un type de mise en échec comme ça, je pense que c'est mérité. Ouais, sauf que dans le jeu, tu vois que White, c'était pas intentionnel. Tu le vois vraiment que c'est pas intentionnel. Non, non, non, il a voulu faire c'est de quoi. Il voulait le plaquer, mais peut-être pas comme ça. Puis le gars, il a juste, tu sais, il a fait ça de même, puis après ça, paf, il a frappé à mon choix. Tu sais, je dis, oui, ça. Mais ça moi, c'est, pour là, c'est pour ça que je dis que c'est parce que c'est White qui a eu ce nombre-là, that's it. Ouais, parce que ça aurait été un autre joueur qui aurait fait ça, il aurait jamais été sorti autant que ça. Shanahan, il a même pas sévi cette année sur deux. Là, je me souviens plus toutes les suspensions qu'il y a eu. Là. Il n'y en a pas eu gros. Puis il y en a pas eu gros. Puis Shanahan, sérieusement, cette année, il a vraiment, c'est son année que là, il rentre dans son mode de je suis un gars établi dans ma job, puis j'ai plus rien à prouver, puis je suis plus là pour. Tu sais, c'est comme il fait plus vraiment comme sa discipline, comme Mark il avait donné Shanahan sa ligne au début. Fait que, tu sais, maintenant, okay, là, Shanahan, ben c'est ça. Fait que là, ben ça va revenir comme c'était avant. Ils vont punir les gars de quatrième trio, les gars comme les joueurs marginaux. Avant, là, c'était mal l'année passée et tout, puis l'autre année d'avant. Non, mais Shanahan, quand il est arrivé au début, même il y avait une ligne directrice. Non, c'est-tu quoi? Au bout de la ligne, là-dedans, c'est les coups à tête. Mais quand tu pénalises les coups à tête, c'est ça qui est important, c'est que tu pénalises les coups à tête pour que les joueurs, ils s'en rappellent. Puis il faut que tu fasses mal un club. Donne-moi un joueur populaire qui s'est fait suspendre, même avec Shanahan. Il n'y en a pas eu un. Man. Mais non, mais un joueur populaire, il est suspend pas. Ça a tout été de même, man. Tu touches pas un joueur populaire. Jamais, si jamais il ferait une shot, ça arriverait jamais. Parce que ça a bien trop d'impact monétaire de punir un joueur vedette comme ça. Là. Pour la Ligue, c'est l'argent en premier. Là. That's it. Fait qu'un gars, bien là, plus que ça ou que la sécurité des joueurs. C'est facile de donner à discipline avec un no-name. Oui. Là, c'est ça mon point, mais t'as dit que ça revenait à normal avec Shanahan. Ça veut dire qu'avant, il a jamais pénalisé. Ça peut pas revenir à normal. Oui, la première année que Shanahan est arrivé, il a donné des pénalités. Mais nommez en un joueur vedette dans la première année de Shanahan. Il n'y en a jamais eu. Il a juste continué. Il est un peu plus sévère, mais il a juste continué. Il n'y a pas une grosse suspension en série Shanahan quand il est rentré, justement. Ben, il fait un gros move. Il n'y avait pas Rafi Torres qui avait eu comme 20 games quelque chose de suspension. Genre, 21 ans. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est sûr. C'est Andrew Ferentz avec Boston. Ils font tout le temps la discipline avec, c'est sûr. Ouais, c'est le petit tough fucky. Non, mais c'est ça. Sert à rien. Sérieusement, c'est parce que c'est ça. C'est ça qui fait que la ligue n'est pas crédible parce qu'ils veulent éliminer quoi à tête. Ils veulent arrêter ça. Mais ils ne sont pas prêts à pénaliser les joueurs de plus haut niveau. Au même titre que encore les. Yeah, c'est juste ça. Ouais, ça revient quasiment au débat des arbitres que sont un peu biaisés. Puis c'est eux autres, c'est Les arbitres, ils jouent à game, ils égalisent la game. C'est un autre sujet, là, mais en même temps, la NHL peut pas faire ça parce que qu'est-ce qu'ils vendent aux States? C'est justement ça. Ouais. C'est ça, les marchés, c'est qu'eux autres, ils veulent voir des coups les comme Browns, Boston. Là, les Browns, ils vendent leur game. Ouais, quand c'est des pubs, des Browns, ils vendent ça avec des combats puis des mises en échec. Puis du monde qui font mal aux autres, comme la mise en échec sur Patcherity de Chara, mais elle devait être dans le highlight. Je l'ai détruit. À Boston, c'est ils peuvent pas vraiment pénaliser tout parce que c'est ça qui vend aux States, les joueurs populaires, c'est ça qui vend au Canada, puis tu sais, c'est comme à Boston, les foyers qui montrent des vidéos de ça sur gros screen là, entre les jeux là, c'est rien que ça, c'est mais des gros blocages. Tu sens qu'ils sont un peu comme dans un croque-pot, ils sont sur le bord de sauter. Alors j'ai dit pas dire ça. On statue sur le cas de White, revient ou revient pas. Reviens pas. À moins que du monde vienne vraiment en poche. Parce que tu peux avoir d'autres choses facilement. Puis Moen, même. Non, mais tu le gardes en mais okay. Allons sur le cas de Moen d'abord, qui joue comme une. Non, même affaire Moen. Moen. Décalisse-moi ça, Moen. Moen, j'ai jamais compris pourquoi qu'il avait signé à 2,5. Je pense qu'il reste une autre année. Non. Ah, oui, je pense qu'il reste une autre. Mais il reste une autre. Avouez que ça, c'est juste à cause des médias qu'on en parle. Parce que les médias, ils haïssent Moen. J'ai jailli Moen. Pas besoin des médias pour haïr Moen. Moen, je le remarquerais même pas. Ce serait pas des médias qui me diraient qu'il est poche. Tu le vois jamais sur la glace. Non, mais c'est parce que les. Mais le pire, c'est que des fois, tu le vois et il fait une belle fin. Tu fais comme, hey, qu'il va faire ça. C'est qui ça? Non, mais c'est ça, c'est parce qu'il a changé son style. Il essaye de devenir comme un gars qui. Il essaie de se garder, je sais pas moi, un contrat dans la Ligue nationale en montrant qu'il est capable de jouer du hockey. Ah, mais c'est pas ça son rôle. Tout à fait son rôle, le stick, il est supposé comme dropper justement, puis de. Défendre prendre les boys, gars, puis le faire pas. Je vais pas vous décevoir, là, mais on l'a pas juste pour un an. Deux. On l'a signé pour 4 ans l'année passée. C'est ça, je te dis, là. Tu sais, ils l'ont signé pour 2,5. Merci, Pierre Gauthier. C'est pas Pierre Gauthier. 1,850. C'est chose qu'il a signé, moi. Pas Michel, non, c'est pas Bergevin. Il était re-signé cet été, ce gars-là. Mais 4 ans. Il était signé par Bergevin. Ça, j'en veux en débattre. Je suis pas sûr que Bergevin. Son salaire commence 2012-2013. Eh oui, il a été signé cette année. Cet été, même. Ouais, ça. Mais avant, ça, dans l'été, ça a changé. À la fin de la saison dernière. J'espère qu'il n'y a pas une clause de non-échange là-dessus. Ils ont toutes des clauses de non-échange. C'est peut-être Gauthier qui l'a fait avant de partir. Tant qu'à ça, il veut s'en aller. Là. Mais Gauthier a fait ça avant de partir. Tu mets une couple de choix de repêchage, puis tu vas te chercher. Une couple de potes, ou des bâtons usagés. Je le donne comme un sixième choix. Encore lisse. Faudrait, faut-tu t'en débarrasser? Ah, tu m'envoies ça à Caberlé, hosti, man. Tu le rachètes. Oh, hey, fuck it. Ah, Caberlé, tu le rachètes, t'as pas le choix. Y'a pas une équipe qui va vouloir ça pour 4,5 millions par année. T'auras pas le choix de le racheter. Y'a pas personne qui veut prendre ça. C'est comme non, moi, en tout cas, regarde, pour moi, je vais te dire, ben franchement, Mohan, là, il fait pas la job qu'il est supposé faire. Bergevin. Ah, ouais, Dave nous confirme. Ben, de toute façon, il fait pas la job qu'il est supposé faire. Puis, bah, moi, j'ai plus rien à dire sur Mohan d'autre manière. C'est son erreur, mais il a voulu lui laisser une chance, puis c'est Mohan son erreur aussi. Sûrement qu'ils ont parlé, puis ils ont dit hey, ça, c'est un gars d'équipe. Ben là, ils doivent essayer de le briefer. J'ai jamais entendu dire que Mohan est un gars qui était bon dans la chambre. Ben, là, ils disent que tous les gars, c'est des gars c'est pour ça qu'ils gardent, c'est parce que c'est des gars d'équipe. Sérieusement, Mohan, il va commencer à nuire s'il fait pas sa job, s'il défend pas les gars, puis c'est obligé d'être. Francis Bouillon qui aille défendre Gallagher, genre, des affaires d'avant. Ouais, mais il s'est pas battu. Il s'est battu une fois cette année, Deux fois, une ou deux fois. Il fait pas sa job là, c'est des fêtes de merde. Il veut plus se battre. Pross est blessé à cause de lui. Ce job là, je pense qu'on peut s'assurer Mohan out. Ouais. Solide check. À part de ça, man. Hey, out solide. Out ouais. Solide. Tourne dans l'ouest. De toute façon, on a du stock pour remplacer, puis ça se trouve au pire ailleurs. Fait que... Goons, là. Il y a en train des gars qui veulent dropper. Des Mohan, là, avec du talent, il y en a. Tu sais, des Lucic rendus à la cinquième ligne, là. Tu vois, il y en a un, là. Cinquième ligne, sur le banc. Il coûte pas même plus que Mohan. Il coûte 6 millions l'année prochaine, ton petit Lucic. Puis ouais, pour les prochaines années... On a la place, c'est ça. Penses-tu que je vais aller chercher un salaire? Il y a juste un petit slump, là. Un petit slump d'une saison. On parle de slump, justement. Le Canadien qui est dans une slump, ben, qui est ou qui sort d'une slump, on n'est pas sûr au moment de l'enregistrement. Ben, là, c'est tôt un dedans. Peu, là. Ouais, ben, tout, avec la victoire qui s'est passée hier, là, on est vendredi, ça s'est passé jeudi contre le Lightning. C'est pas une bonne victoire. C'est pas une victoire comme convaincante. C'est pas convaincante, puis en plus... J'ai pas vu le match hier, je l'ai vu comme... Un peu sur un écran. Ben, en là, fait, là, c'était 2-0. Il jouait très bien. Price avait de l'air allumé. Un but. Puis là, paf. Un but. Après ça, j'ai commencé à avoir la chienne. Ouais. Parce que tu sentais que les joueurs, ils étaient... C'est pas compliqué, en troisième période, je pense qu'après 10 minutes, il y avait 8 tirs contre Price. Deux pour le Canadien. Ouais, mais ça, c'est vraiment un crash. Un but, là, ça va... Ben, c'est dans mes points, justement, la confiance du Canadien, présentement. Ben, c'est la son plus bas. Ouais, mais présentement, elle n'est pas bonne, la confiance. Ben, c'est pas bon, parce que... Ouais, on est sur le slump, mais justement, le slump... Mais justement, la victoire du Canadien contre le Lightning... Ça l'aide. Ça va dans le bon sens. Mais ça règle pas tout. Ça l'aide, mais ça règle pas tout. Non, mais c'est un bon début. Non, non, mais ok, mais on s'entend-tu que le Lightning, c'est comme un must-win? Oui, c'est une équipe qui joue très mal cette année, Lightning. Je suis content qu'au moins, ça a passé proche. Mais hier, les deux teams étaient poches. Oui. Puis on a gagné. Mais je suis content qu'au moins, il ait gagné en temps réglementaire, même si ça a été fait à genre 30 secondes de la fin. Tu sais, c'est comme si c'était l'avant-dernier, mais tu gagnes sur le dernier. Ça donne un petit moral de booster, mais... Veux pas, ils savent, je pense qu'ils ont pas bien joué. Là. Ouais, ouais. Parce que, tu sais, il y avait bien des lacunes, mais en même temps, ils ont gagné, fait que ça va aider, mais ils savent tous qu'en même temps, on a gagné, mais. Puis tu faisais rien... checker comme la game contre Pittsburgh, ben, c'est la dernière que j'ai vue. On a bien joué, vraiment. Pittsburgh. Ben, c'est une game bizarre, là. Sérieusement, c'est un match bizarre. Ouais, c'est un match comme avec Pittsburgh goals, avant. Ça se donne des goals. Mais c'est tout le temps comme ça contre Pittsburgh. Contre Pittsburgh, c'est tout le temps des offense. Ouais, mais contre Pittsburgh, là, il manquait Crosby. Manquait Malkin, Neal. Ouais, mais ils ont tellement de profondeur, là. Ils ont Morrow, ils ont Higgin, là. Tu sais, c'est ça qui est bon. Ils ont fait les bons trades. Toutes les meilleurs manquaient, par exemple. Les meilleurs manquaient. Imagine avec leurs meilleurs dans la ligue. Mais ils ont pas la coupe cette année, là. L'argent dépensé. Il y a encore Kuznets, là, quand même, là. Ça me fait chier, lui. De où part le slump du Canadien cette année? La blessure d'Emelin, je pense. Ben oui. Totalement. Ils ont pris. Ben, c'est parce que la blessure d'Emelin coïncide avec le fait qu'ils font les playoffs aussi. Puis que là, peut-être qu'ils ont dit. Ouais, okay, il y a eu, je pense. Les gars, ils ont à ce point-là, par exemple. Emelin, il fait mal. Mais pas au point pas de point faire perdre l'équipe, de genre 5, de briser le moral, 5 puis... à 1, puis 7 à 2. Ouais, mais c'est parce que. Michel Therrien l'a dit. C'est comme. Une fois qu'on a dit, on est assuré de faire les séries. Il dit, les gars, ils sont habitués de se battre à chaque match, genre, vrai corps et âme. Là, quand on a dit ça, c'est comme ça, ça enlève toute une pression. Mais je comprends que mes gars veulent pas se battre Corian, mais faut pas qu'il prenne cette habitude-là. Il est, pas d'accord, mais il dit c'est sûr qu'il y a un petit. Parce qu'il faut que tu te prépares pour les séries qui sont. Ouais, mais t'as peu. Par exemple, je vais dire une chose, c'est que toutes les teams qui viennent, qui jouent contre Montréal, quand Kim Ellen est là. Puis Emeline, il joue, t'as un peu. Emeline joue Perry avec Markov. Ouais. C'est le gars qui a à peu près le plus de temps de glace. OK? Puis il y a une chose qui est sûre, c'est que Markov, c'est un excellent défenseur. Et Emeline, il y a personne qui veut rentrer de son bord parce qu'il y a personne Markov, qui veut se faire accueillir par ce gars-là. Parce que Emeline, c'est un esti de bon. T'as peu, j'ai pas fini mon point. Markov dans un slump. La filière de l'Europe de l'Est. T'as peu, j'ai pas fini juste mon affaire. Et Emeline, c'est vraiment un gars. Sérieusement, qui est capable d'intercepter à peu près n'importe quoi à ligne bleue. Il est capable de planter tout le monde. Puis il fait combien de fois par match? Hey, t'as peu. C'est un des top mises en échec. Excuse, il est quatrième. Il est quatrième dans NHL pour mise en échec. À ligne bleue, on l'a vu combien de fois. Quand il était blessé, il y avait 110 mises en échec en 38 games. Il y a des mises en échec, c'est bord des bandes en arrière. Sérieusement, il y a une bien meilleure première passe que Drouski. Oui, oui, oui. Hey, je l'avais pas sur ma liste, lui, Drouski. On a-tu parlé l'autre fois? Je pense que non. Sérieusement, la game contre Pittsburgh, là. Who the fuck are you? Pourquoi lui, il est là, Drouski? Depuis qu'il y a une garantie de quoi? Ils ont tout re-switché comme toute la def. Puis sérieusement, sont tout le temps dans l'hostie. Sont tout le temps dans l'hostie. Je suis pas en désaccord avec ton point de Yemelin. Parce qu'il y a une chose. Markov est moins 9 en 11 matchs. Il y a une chose qui remarque. Yemelin, man, l'hostie qui sort de la chine. Mais il y a une chose qui ressort vraiment en gros, là. C'est que pour vrai, ça paraît que les équipes ont moins peur du Canadien parce que là, ils ont presque plus d'aspect physique. T'as Bouillon qui est capable de donner une coupe de bonne mise en échec. T'as Pacioretty qui va en donner une coupe de popée, mais t'as rien qui est solide comme Yemelin. T'as rien à dire. C'est sûr que le Canadien présentement est plus intimidable sans Yemelin. Je dis pas que c'est tout le problème, mais je dis qu'il est plus intimidable que sans Yemelin. C'est pas si une présence grosse physique que ça pendant un match, Yemelin. Quand on est en échec avant, il est pas là. Yemelin, man, c'est à cause de nos forwards, il frappe. Hey, le gars, il échappe plus. En échec avant, il n'y a pas rapport. Ben justement, mais c'est là qu'on frappe. Le gars qui a le plus de check à Montréal. Quand défenseur dans le coin, il me dit bang, après ça, il vole la porte. Hey, Alex. Alex, le gars qui a le plus de check. Justement, c'est plus ça qui a un impact sur une game que. Un défenseur comme Emeline, il n'y a pas un impact si physique que ça pendant la game. Il va plaquer des gars dans le coin, OK? Mais l'impact. Il détruit le monde, là. Non, il n'y en a pas détruit un cette année, man. Il a essayé de détruire Lucic, puis il s'est fait détruire. T'es pas là, man. Écoute, là. Toi, t'es trop pogné avec ton Lucic, man. Non, mais. Hey, OK. Il n'y a pas détruit personne cette année. J'ai pas vu un gros hit comme l'année passée. Alex, il y a plein de vidéos sur YouTube que tu vois Emeline détruire quelqu'un. Il n'y en a pas cette année. Le gars qui a le plus de checks à Montréal après Emeline, c'est Pross, puis il n'y a même pas la moitié encore du nombre de checks qu'Emeline a donné. Bon, on peut chercher ça pendant l'entraide de la période qui se finit bientôt. Là. Nombre de mises en échec distribué par les Canadiens. Parce que sérieusement, moi je te dis qu'Emeline, le fait qu'il n'est pas là, le monde, ça rentre pas mal plus dans la zone. Emeline, il est bon, il a de bonnes premières passes, il sort bien le puck, puis là, ça a tout fait jouer comme les trios, ça a tout remanié les duos de défenseurs. Puis Drew Whisky, il a de la misère. Perry avec Georges, ils ont de la misère. Emeline joue avec Markov, puis Emeline, c'est pas Diaz le deuxième numéro 2, mais Emeline, c'est peut-être le numéro 4. Ça. Je me trompe ou Terrien a déclaré que c'était comme devenu facile de jouer contre nous autres à Montréal? Oui, parce qu'on a trop un gap. Ouais. À cause d'avant, on voyait c'est comme. C'est notre défensive, là. Non, mais on voyait. Mais on reviendra sur le slum dans la deuxième période. Je veux juste mentionner une petite affaire. Avez-vous vu la face de Terrien cette semaine pendant les défaites? Comment il avait de l'air de décalissé dans l'entrevue? Ouais. Mais les gars, ils jouent pas le jeu. Hey, checker, il va être en dépression bientôt. Lui, là, il était sur le bord. Là. Il souriait après la victoire. Puis il était bien content. Ouais, non, mais les autres avaient. Les joueurs pour leur donner la main un par un. On a tout vu. C'est une bonne affaire à faire parce que. Il veut les féliciter. Individuellement, je l'ai vu répondre à la question. Jacques Martin, on n'avait jamais vu ça. Là, avec la victoire qu'ils ont eue de 3-2 cette semaine contre le Lightning, Jacques Martin serait sorti du banc avec une face en crisse. Tout le temps. C'est la période qui se termine. Pendant les défaites, par exemple. Jacques Martin. Pendant les défaites, Terrien, il s'est fait poser comme question. Est-ce que tu penses que ça va affecter le moral de tes troupes de rentrer en série avec autant de défaites en ligne? Puis il a répondu. T'en penses, Chris? C'est moi qui ai acheté ça. Michel Therrien meilleure line là, qu'il n'y a pas. Ouais, non, mais tu sais, je suis pas un coach de hockey. Quand pour il vrai. Perd, man, il est vraiment. Il n'y a pas de passe incroyable. Ça, là-dessus, on s'entend, Alex. Finir sur Jacques Martin. Fallait bien s'entendre sur quelque chose, alors sur ça, on va aller prendre une petite pause. L'entracte et on vous revient dans quelques instants. On est de retour pour la deuxième période, alors on drop la puck. Chris? Ça va vraiment mal, ça affaire. Drop là, t'as pas. Les maudits iPadeurs, là, tu sais. C'est pas assez de génération. Fini du quadruple tap. Je me demande même comment ça que ça marche encore. Ça date de 2 ans. Le double tap. Ouais, c'est ça. Tu peux même pas, genre, downloader la dernière application de la presse. Là, ça a l'air que fait, non. Là, avec, ça que ça non. marche pas. Il est pas update, man. Pour ça. J'en parlerai dans un autre podcast éventuellement. Ça, c'est de la merde. On revient sur le slump du Canadien de Montréal, la série de défaites, là, et la blessure d'Emelin et puis tout ça. Qui là. Est peut-être fini ou pas. Bon, on va voir. On sait pas. Là, il y a Pross qui joue pas de ce temps-ci. Ouais. Ah, il repose une game sur deux. Ben, il fait bien, je pense. C'est correct. Garde parce que Pross, c'est quel... soit tu veux. C'est ça, tu le veux pour les players. C'était quoi sa blessure déjà à Pross? À l'épaule. Luxation de l'épaule. Puis là, il s'est reblessé à l'épaule dans une game. Il s'est pogné le coude. Ouais. Mais il a eu mal au bras. Mais c'est le même coude que son épaule. Ah, mais tu sais, quand tu te blesses à l'épaule, tu veux mettre ton bras comme une écharpe. Je pense que c'est pour ça qu'il faisait juste. Dès que tu fais ramener en bande un peu sur ton épaule, tu veux pas, là, c'est une blessure facile à ramener. Puis surtout un épaule, là, tu sais. Une épaule, là, c'est vraiment dans le. C'est pas une épaule solide, là. Mais dans le temps, là, il t'a passé ça en arrière et puis tu retournes à jouer. Oh, oui. Maurice Richard, c'est arrivé. Une bonne table sur une épaule. Ouais, mais arrête, là, tu sais, c'est sûr. Maurice Richard aussi, là, il déménageait puis il scorait 5 buts le soir. Une bonne table sur une épaule, c'est réglé. Parlons du film du Rocket un peu. Peut-être un peu. I love it. Non, mais c'est fini, ça, par exemple, ce temps-là. Là. Non, mais avant, il faisait ça. Mais... Donc, on espère que... comme avant. On espère que Pross va être. Ben, Price va être là samedi, demain. Price va être là demain. Dave McCaw, ben... Ok, ben, ok. D'abord, dans ce slump du Canadien qu'on a eu, là, écoutez, les gars, beaucoup de critiques ont été envers de Carey Price, là. Faut parler, faut parler des gardiens. Faut parler du fameux débat des gardiens. Faut sortir notre t-shirt avec le stop le marqué à lac. Non, faut l'aborder. Je dis à lac là, mais sérieusement là, il y en a encore qui en parlent. Hein. Mais c'est fatigant. C'est terrible. Là, je suis plus capable. Ça là, pour le reste, je suis plus capable. Comme là, il faisait comme Boudaille peut-être devrait commencer les playoffs. Ça, c'est commencé au 100 c'est comme non, excuse le monde qui parle, qui mentionne à l'AC, c'est du monde qui suit le hockey d'un playoff. Non, mais il y a du monde avant qui disait c'était Price à l'AC, eux autres, c'est des fervents partisans de l'AC. Mais aujourd'hui, ils sont des fervents partisans de Boudaille. Parce qu'ils aiment juste pas Price. Non, mais c'est des fervents partisans de l'AC. Puis là, tu leur demandes à l'AC cette année, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Il est tout le temps blessé. Mais Price devait pas être là, par exemple. Price devait laisser sa place à Boudaille. Il est poche. Price, là, non, mais il l'a pas. Ah non, mais c'est du niaisage, sérieux. Moi, le monde, là, qui te revient avec des statistiques. Ouais, mais Price, ça sera jamais un gardien comme Patrick Roy. Il revient tout le temps. Patrick Roy, Ken Dryden. Hey! Compare Price. Non, mais ça m'enrage, esti. Compare Price avec le reste de la ligue. Now. Pas v'là 10 ans, v'là 3 ans. Now! 93, c'est le 20 ans, même. Présentement. Ouais, mais ça compte encore. Présentement, dans la Ligue nationale, Price fait partie des top gardiens de la Ligue. Il est un de ceux qui a le plus de victoires. Il est. Je veux dire, regarde, là, si tu peux pas y enlever ce qu'il a fait puis ce qu'il fait. Ils ont tous des passages à vide dans la Ligue nationale. Ouais, mais regardez. Fleury s'est fait sortir au début de la saison, même. Tant qu'à parler, justement, de stats qui sont outdated puis que t'es décoré du monde qui te parle de Roy, Alex a des statistiques de la saison 92-93 qui voulait nous plugger. Ouais. C'est lui qui initie le sujet. En parlant du slump du Canadien. Ouais. Mais regarde, le Canadien. La fin de saison du Canadien. La fin de saison, les 7 derniers matchs du Canadien en 93, l'année qu'on a gagné la Coupe. Okay, le 20 ans. C'est une statistique de merde. Ben non, mais Alex, tu veux en parler. Il y a eu un slump. On a eu un slump, justement, puis ça touchait notre gros lieu numéro 1. Fait que, mettons, le 31 mars 93, les Nordiques venaient nous jouer contre nous autres. On a perdu 6-2. C'était roi d'un coup. Après ça, on a joué contre Washington le 2 avril. On a perdu 4-0. Fait que là, c'était roi d'un coup. 2 défaites en ligne. Ouais, roi 2 défaites en ligne, 10 buts accordés, 2 buts le Canadien. Après ça, bon, ben, on jouait contre les Islanders le 3 avril. C'est Racicot d'un goal. Dans ce sens-là, c'était Racicot, notre deuxième. On gagne la game 3-2. Fait que là, on a gagné avec Racicot. Après ça, on joue contre Pittsburgh le 7 avril. Avec Roy, on perd 4-3. Après ça, on joue le 10 avril contre les Boston. On perd 10-5. Roy d'un goal. 10-5. Après ça, on joue le 12 avril. On joue contre les Capitals. On perd 3-2. Roy d'un goal. Après ça, la dernière game de l'année, on jouait contre les Sabres de Buffalo. C'est Racicot d'un goal. On gagne 3-2. Fait que dans les derniers 7 matchs, Roy a perdu 5 matchs. Par beaucoup de buts. Rasico a gagné deux matchs. Les deux seuls matchs que Gaulet a 3, fait. 3-2 en plus, c'est deux matchs. 3-2. Non, 4-3 puis 3-2. Non, 3-2. Ouais, mais deux ça, c'est le cas pour expliquer ça. Mais sauf que là, j'ai gagné quand ça attendez. Puis quand ça arrivait dans les séries cette année-là, il n'y a même pas eu de question. C'est sûr que c'est moi qui commençais. Il a perdu le premier match à Québec. Après ça, on a gagné la série. Mais ça, là, mais regarde, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on aurait l'important, dû que c'est Boudin-Lingo. L'important, là, c'est de gagner quand ça compte. Puis Roy, il gagnait quand ça comptait. Ben, il a perdu les deux premières games des séries. Peut-être, mais Price, c'est ça là, qu'il faut qu'il nous prouve. C'est que là, ça va peut-être pas bien en fin de l'année, mais moi, j'ai confiance en lui. Je pense que c'est un des top gardiens de la Ligue. Il y a bien des équipes, là. Si demain, Price se fait offrir, là, il y a bien des équipes qui vont sauter dessus. C'est ça. Puis ils vont te donner pour Price. Mon point avec ces deux statistiques-là, c'est qu'il y a un goaler numéro 2, puis un goaler numéro 1. Puis peu importe, genre, si t'as 2, 3 défaites de suite, t'es goaler numéro 1, tu vas goaler pendant la série. Non, t'as pas le temps maintenant. Parce que c'est le goaler qu'on fait confiance. Puis maintenant, arrivé... de jours, on demandait, oh, ben peut-être Boudin devrait commencer. Come on. Attends, non, mais Alex, bouge pas, t'as peu, gars. Je veux dire, l'affaire, là, c'est même pas une question de savoir si t'envoies Boudin. Boudin, là, c'est un dépanneur. Okay, ouais, mais il y a du monde aujourd'hui qui pense qu'on devrait l'envoyer. Moi, c'est ça. Yannick Schlender, son casse. T'as un petit peu. Pas vrai, là, je veux dire, Boudaï, c'est même pas. Regarde, t'as-tu vu, là, la dernière game, il avait starté contre les Pingouins. Il a sorti après la première période. Je veux dire, 3 buts, genre, sur 5 tirs, en affaire de même, là, je me suis même pas. Martin, je suis tout à fait d'accord, mais je me demande pourquoi qu'aujourd'hui, encore le débat. Pas savoir Boudaï, man. Non, mais ça, mais t'es d'accord avec moi, je veux dire, mais pourquoi qu'aujourd'hui, que cette semaine. Il y a encore eu le débat. Il n'y a pas de débat avec Boudin. Boudin, tu le checkes dans son air. Sérieusement, quand tu veux voir le talent, là, sérieusement, de Price, là, ben, pour te rendre compte à quel point que ce gars-là est talentueux, regarde Boudin gauler. Ouais. Compare Price, Boudin. Il est d'accord avec moi. Oui. Il est d'accord avec moi. Ça n'a même pas rapport, man. Ça n'a même pas rapport, c'est une merde de différence. Mais qui est d'accord avec toi, mais il dit qu'il n'y a pas de débat, lui. Non, mais qui jamais part ces maudits débats-là? Ah, moi, j'ai vu partir ça. Tout le monde, man. C'est les médias, man, qui passent ça. Parce que je vais côté l'émission qui a parti ça. Là. Je l'écoutais, c'est le 5 à 7. Tu sais, c'est là que je suis gris, là, crêpé dans les airs, qui font des marathons. Là. Ouais. Et Yannick Pilote, pas le show avec Frédéric Plante. Ouais, mais ça veut dire. C'est lui qui a parti ça, man. We're calling you out, Frédéric Plante. Mais ça, ça veut dire une chose, c'est écoute pas RDS. Ah, moi, je l'écoute parce que je veux pas, ils parlent d'hockey. Non, RDS sont quand même pas super. Non, il y a trop d'émissions de hockey. Ouais. On est trop fatigant que les hosties de panélistes. Là. T'es capable de faire ton propre opinion. C'est ça que t'es présentement là. Un panéliste. Mais on n'est pas TVA Sport, nous autres. Ouais, mais moi, je n'ai pas comme des credits là, genre avec les Canadiens. Ouais, mais t'as quand même les opinions fixées par rapport à ces gars-là. On n'a pas des connaissances comme ces gars-là le pire. Ouais, c'est sûr, eux autres, ils se voient tout le temps. Encore drôle. Whatever. Je pense que c'est pas mal la même affaire. Je veux dire, Boudin, il fait même pas. Il manque juste une manchette. Ça devrait être un green screen qu'on pourrait mettre nos manchettes. Non, c'est pas ça. L'affaire, c'est que Boudin, il est juste là pour reposer Carey Price. Exactement. That's it, Boudin, il est là pour reposer Carey Price. Je veux dire, toutes les teams deux games finissent en deux soirs, par avoir un slump à un moment donné. Là, puis tous les goalers finissent par avoir un slump aussi. Personne n'est parfait. Ouais, mais êtes-vous d'accord que le débat devrait partir? Il n'y a aucun débat. Le débat est mais pourquoi qu'il est encore là? Il n'y a aucun débat. Est-ce que Price est à 100%? On a-tu confiance en lui 100%? Peut-être pas, par exemple. Je trouve qu'il est encore assez nonchalant. Je suis d'accord, mais... Contre Pittsburgh, il s'est fait un peu accroché là, par un gars de Pittsburgh. Tombe en pleine face à terre. Le jeu continue. Pittsburgh, on va pas que lui, il est à terre. Là, puis il sort là. Prends son temps. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Relève-toi! Mais il veut coller l'obstruction dans ce temps-là. Mais c'est parce que Price. Il stresse le monde, lui-là. Parce que Price, qu'est-ce que je pense qui fait douter le monde, c'est que Price, contrairement. Tu sais, puis c'est sûr, nous autres, des Canadiens, on a été habitués d'avoir des goalers qui étaient peut-être plus. Justement, historiquement, comme Patrick Roy, des gars qui acceptaient pas la défaite, des gars qui étaient... Tu sais, là, peut-être que Price, dans un sens, on aimerait voir un petit peu plus comme de attitude, genre de Tuukka Rask, là, vouloir péter son stick puis être en tabarnak. Mais tu le verrais pas, ça, avec c'est Price. On le verra jamais parce que c'est un gars... C'est un gars qui est trop comme. J'aime son attitude parce que. Mais parce que là, quand il est en tabarnak. Tu sais quand il est en tabarnak par son langage non verbal. Mais Price a l'air de s'en colisser à la rigueur. Ouais, non, mais quand tu checks, je veux dire, son non verbal, c'est un gars que je trouve qui a l'air d'un peu genre. De... Ça n'a pas l'air de faire grand chose. Ouais, mais tu vas t'en rendre compte. Ça y fait de quoi, sûrement. Mais il ne démontre pas. That's it. Mais tu sais, tu vas t'en rendre compte. Si tu connais Price, tu le verras pas de même dans son attitude. Mais moi, tu vas voir dans sa façon de gauler. Quand il est tanné puis tout là, puis qu'il veut défier à Puck, c'est là que tu vas le voir que dans sa façon de goaler, il va défier à Puck, il va bouger beaucoup là, il est agressif sur la rondelle. Ouais, ben ça c'est un goaler confiant. Si tu vois qu'il s'en fout, il sera pas aussi agressif sur la rondelle. Hier il était agressif sur la rondelle, t'as même peut-être trop agressif parce que si des fois il faisait un arrêt, il était carrément dehors de son net. Ouais. Il a fait bien des arrêts qui étaient loqueuses, mais il défiait tellement à Puck que s'il partait à l'autre bout de son net, mais ça tu le vois que dans ce temps-là il veut pas perdre. Là, il est actif, tout, mais dans d'autres games, ben, tu vas voir que. Ben c'est là qu'on dit qu'un gardien fait sa chance et tout, tu sais. Ouais. Ben, dans d'autres games, Price, il est amorphe. Price, c'est qu'il est tellement fort techniquement que c'est jamais un goaler qui a de l'air d'avoir les quatre fers en l'air, tu sais, parce qu'il est jamais en train de. Il se déplace tellement bien. Ouais, hier, il a fait un assist d'arrêt sur Martin Saint-Louis que il s'est crissé à plein ventre, puis à dernière minute, il a levé à pad. En arrière, mon gars, il a arrêté la poque de Martin Saint-Louis. Il y a des arrêts lockers. Il avait un net ouvert, man. Il n'y a pas toute sa confiance, mais ça va revenir. Non, mais ça, tu sens que c'est un gardien, justement, qui veut. Ouais, mais il veut nerveux, gagner, tu sais. Ouais, fait qu'il va tout faire pour l'arrêter, le petit puck. Puis c'est ça que je veux voir. C'est de l'émotion, ça. Ben, Price, c'est ça que ça va y prendre. Il est tout le temps de l'air nonchalant. Voilà, mais c'est ça qui manque un peu de Price. C'est qu'on dirait qu'il sort. Est-ce qu'on mélange, genre, la nonchalance avec la confiance, justement? Il est trop confiant. C'est sûr, un goaler qui va être non confiant, il va être plus porté à jouer creux dans son net. Parce qu'il va être comme. Parce qu'il va sentir que c'est def. Ils sont pas safe pour lui. Mais c'est pas dans son gameplay qu'ils nonchalant, c'est son attitude, ouais, son non-verbal un peu, justement. T'sais, c'est son... quand il est bout dans des jeux, là. Il est bout, il donne la pote. Non, mais fais juste checker comment il a tenu le flambeau. Là, non, mais c'est avec la gomme. Non, mais tu le checkes en entrevue, ce gars-là. La manière qu'il parle aux médias, il est de même. Il est comme ça. C'est un cowboy. Il a l'air sur le concepteur. Tu l'invites dans un party. Il va être, ça doit être le genre de gars qui est un pince sans rire. Il va te faire des jokes, mais il rira jamais. Les pics de bar qu'il y avait de lui, par exemple, il va l'air plus actif que ça. Ouais, c'est sûr que c'est quand t'as Cuba, là. Pis, les pics de bar avec trois smokes dans la gueule. Fait que mon point était que même le goaler numéro 1 peut perdre plein de matchs. Même la fois qu'on a gagné la coupe, en plus. C'est juste lui qui devrait partir des séries. Il n'y a plus de départ Price, Boudaï, Price, Halak. Il n'y en avait pas avant, genre, quand c'était Roy, Tognot, Roy Resco. Il n'y en avait pas de ça. Tout le monde le savait, c'était qui le premier, le numéro 1. Puis maintenant, c'est rendu ça avec Price. Puis les détracteurs de Price peuvent bien prendre le trou parce que ça n'arrivera plus jamais. Savoir si c'est Price ou Boudaï. Jamais que je revois le nom de Price sur le trade block, anyway, parce que ça me ferait trop chier. Parce que Price, je le veux à Montréal. Mais c'est fini l'époque au Canada. Confiance à Price. Du Canadien qu'on dit, c'est-tu Théo ou Hackett? C'est-tu Christophe Baluet? Ah, mais Price? C'est de la merde. C'est fini cette époque-là. Ouais. Arrêtez de vous poser des questions. Comme la situation, genre de Vancouver, qui ont Crawford puis. Ah non, c'est Luongo. Luongo, puis c'est pas Crawford. Mais il y en a un des deux qui va faire. Ah oui, Corey Crawford. Corey. Schneider. Corey Schneider qui va. Non, mais il y en a un des deux. C'est pas numéro 1 ce gars-là, puis ils l'ont prouvé cette année. Il est pas prêt, man. Il y en a un des deux qui va falloir qu'il parte. Luongo, numéro 2, puis il n'arrive pas à se faire ce qu'on veut. Price, présentement, dans la ligue, il y a 20 victoires. Ah ouais. Ça, c'est comme 6e rang. Égalité avec Lundqvist, qui a 20 victoires. Ouais, mais c'est quoi les pourcentages d'efficacité? Hey, non, mais ça, c'est 6e goaler sur les 30 premiers. Lundqvist, il est fou, là. Lundqvist, il y a 928, là. C'est ça, puis Price, t'as combien? 908, mais ça a baissé dans les derniers matchs. C'est ça. Mais avant tant ça, aussi longtemps qu'il est en haut de 900, c'est très bon. Martin, parce que l'affaire qui fait chier de Price, c'est qu'est-ce qu'on s'attend de Price, je pense, puis qu'est-ce qui déçoit un peu, t'as un peu. L'affaire qui déçoit, c'est que ce qu'on voudrait voir, c'est que Price, un peu, il fasse comme Anderson à Ottawa, puis qu'il vole des games à lui seul. Il l'a fait l'année passée, c'est ce qu'on toute voudrait l'année. Voir, puis on dirait qu'est-ce qui vient pas. L'année passée, c'est ça l'a qui fait, est comme un peu plus chiant. Non, mais on dirait, on peut-tu compter dessus, tu sais, c'est ça. Il est 6e goaler. OK, fait qu'il y a 30 équipes qui ont des premiers goalers. Ouais. C'est le 6e dans la ligue. Il est dans le premier, l'ancien. Tu sais, là, quand on est au secondaire, premier 5e, ben, il est dans le premier 5e. Il n'a pas dit qu'il est 6e. Non, je comprends. Ouais, oh, dans le premier 5e. Oh, okay, 5 fois 6, 30. Là. Ouais, ouais, le ouais, premier 5e. Non, ça, Alex, il te l'accorde. De toute façon, il était égalité au 5e. Non, mais Alex, tu comprends ce que je veux dire? Tu t'attends qu'une game que ta def n'est pas là, que Price va être un game breaker. Cette année, il aurait dû en faire. Cette année, OK, il n'a pas volé de match, mais l'année passée, il en a volé toutes. Tu sais, genre vraiment, l'année passée, on a gagné souvent à cause de lui. Puis cette année, OK, il ne l'a pas fait. Mais en même temps, il y a une meilleure équipe en avant de lui. Fait que il y a pas okay, besoin alors, de le faire. Puis tu sais, ceci étant dit, là, je suis pas un dénigreur de Price du tout, vraiment pas. Mais peut-être qu'il manque la petite coche encore du Game Breaker, le gars qui va te sauver il est mental, un match. Il est mental. Tu penses qu'il est pas prêt encore? Non, c'est pas qu'il est pas prêt. Ou qu'il c'est manque dirait, un quelque chose. Je sais pas si c'est mental, si c'est juste là, on dirait que peut-être rester focus d'une game de A à Z, je sais pas. Il y a tout le temps quoi, mais quand on gagnait avant, là, vraiment des matchs qu'on venait 4-0. Il a passé un hostie de ballon. Ouais. Non, quand on venait 4-0, il y a toujours une équipe, tu sais, 2 contre 1, puis tout, puis si elle allait se passer. Ça, j'avoue que Chris, des fois, il pourrait l'arrêter. Pour non, son il a peut-être passé un hostie de ballon de mystère, mon gars, là, que c'est comme Fait qu'on passe au vote, est-ce que Price va commencer, devrait commencer ben les oui, séries? Ben oui, oui, alors on est tous unanimes. No-brainer. Il n'y a pas de question. No-brainer, Price commencera les séries. Absolument. Alex qui déchire ses stats de 93. Je m'excuse de dire ça de même, là, mais si tu te poses la question, là, ben tu connais probablement pas ton hockey. Exactement. Là, puis c'est encore des fans de Alak Pogge dans le port. Mais hey, tu sais, puis il y a bien des fans de séries là, là, qui se mettent à écouter du hockey en série. Oh, ben Price, ouais. Il a juste joué 7 games en série. Qui suivront pas dans sa carrière, ouais. Price a juste joué 7 games en série. C'est cette année qu'on va savoir comme, de quoi qu'il est fait. Parce que c'est Alak qui a joué toutes les autres séries. C'est là qu'on va voir le mental aussi. On n'est pas allé en série tant que ça. C'est son test. Hey, Price, sérieusement, c'est sa première année cette saison, là, cette saison-ci, qu'on sent que le gars, par exemple, il a pris une coche de maturité, puis qu'il commence à être, je pense, à son top potentiel, autant mentalement que sur sa game. Sur sa game, il a tout le temps été bon, naturellement. Il a tout le temps été super bon. Mais on sent qu'il commence à être plus mature puis plus mais ouais, il a 25 mieux ans, coaché. Dans là. Pis, il est dans l'âge. Là. Il, dans tout ça, là, il commence, mais il manque encore le petit grit, ce qu'on veut voir de Price. Le true grit. True grit. Pour finir sur le slump du Canadien, on se pose une question. Est-ce que les performances des derniers matchs vont affecter les performances en série, vous pensez, non. Du Canadien? Moi, je pense pas parce que c'est une nouvelle saison. Puis les joueurs, à la limite, présentement, s'ils ont eu un relâchement parce qu'ils étaient à l'aise, c'est parce qu'ils ne sentent pas le besoin de se défoncer en débile. Donc, présentement, ils se maintiennent puis ils se managent. Ça. Ils s'économisent un peu d'énergie. Mais je pense qu'ils vont gagner une coupe okay, de game. Mais tu veux pas te manager trop non plus pas parce trop, que pas tu, trop. Tu veux avoir l'avantage là, de la patinoire, tu veux rester les dernières en games, top de classement. Ça, c'est important l'avantage. Ouais. Les dernières games, ils ont quand même perdu des grosses games avec des gros pointages. Fait que ça, c'est pas se manager, ça, c'est vraiment jouer comme sauf la sauf qu'ils ont quand même affronté des grosses équipes. Oh, Pittsburgh, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça mérite pas de se faire 6-3, 7-2, 5-1, 6-1, c'est un une victoire ou une défaite de 3-2, peu importe l'équipe. Tu dis, OK, là, ils peuvent s'être managés un peu, ils s'étaient genre, mais tu sais pas. Mais Michel Therrien l'a dit. Il dit, les gars, au début de saison, pendant les 40 premiers matchs, il y avait quelque chose à prouver. Tu sais, il y avait de la tête, puis il y avait quelque chose à prouver. Là, après ça, 40 matchs, on dit, OK, mais il reste 8 matchs à la saison, puis ils disent, ah, ben, vous êtes déjà qualifié pour les séries. Puis là, les gars, il y avait comme plus rien à prouver. Puis il dit, on dirait que mon équipe marche à ça. Il dit, quand il y a quelque chose à prouver, man, il y a le feu. Fait que là, pendant les séries, on espère hein, qu'ils vont avoir quelque chose à prouver, puis que le feu va OK, fait que dans le fond, tout ce que tu dis, c'est que Montréal est plus une équipe qui va performer en étant comme l'underdog le temps que se retrouver en tête de classement puis après ça comme faire ah on cette est année, pas oui. capable sérieusement Montréal cette moi année, la, oui, la seule que... chose que j'ai puis là en plus de ça t'as Ottawa qui reviennent Anderson est revenu leur def aussi là Carlson qui revient bientôt et wow. Hey, ça les autres puis en plus de ça ils sont allés chercher le gars Konecker à Tampa Bay, sérieusement, là, Ottawa. Non, mais ce que je dis du Canadien, c'est que vu que l'année New York passée, aussi, ils ont pris une notch. Là, ouais, mais depuis l'année passée, le Canadien était dans la cave. Fait que cette année, ils ont quelque chose à prouver. Fait que pour cette année, là, avoir pendant 40 matchs, avoir quelque chose à prouver, je peux comprendre les gars. L'année prochaine, ça va être pas la même affaire. Mais cette année, oui, il avait besoin de penser qu'il était l'underdog parce qu'il l'était. Tout le monde disait même que vous êtes un style de poche. Ben moi, au début de la saison. Cave, vous avez quelque chose à prouver. C'est pour ça qu'ils sont deuxièmes. Ben, moi, au début de la que... saison, je pensais qu'il était bourré encore dans la cave. Ben, c'est tout le monde pensait ça. Moi, qui aurait cru tout le monde ce serait Réjean Tremblay qui aurait la prédiction la plus proche. La plus proche, ben tout le monde riait de lui. Il avait dit tout le monde les voyait 7-8e ou pas dans les séries. Plus comme premier dans l'Est. C'est lui qui est le plus proche. Tout le monde est comme 10e, 9e. Son deuxième. Son jeu de faire les séries, puis il reste encore une coupe de game. On reviendra sur l'évaluation du Canadien en troisième ça. Période. Je vais en parler. C'est un commentaire sur Facebook. On va aborder les commentaires des fans en troisième période. Mais gars, pour ta question, je pense pas que le Canadien, ça va affecter les séries. Ben, j'espère pas, parce que j'espère qu'ils vont avoir quelque chose encore à prouver pendant les séries. puis que la drive va revenir. Mais c'est important de sortir du slump. Il faut prouver qu'on peut gagner une game encore. Ouais, parce que là, on a gagné une présentement quand on enregistre, mais ça n'a pas été définitif. Moi, ça n'a pas été. C'était contre le Lightning en partant. Non, mais c'est correct en même temps. Mais il faut partir quelque part. C'est juste la deuxième fois dans la saison qu'on a comme collé. Tu sais, comme une fois, c'était deux défaites consécutives. Puis là, c'est comme ça. La première fois qu'on a eu trois. Fait que là, c'est la première fois qu'on a eu trois. Trois méchantes de ce type volée. Non, mais rien là. Pour vrai, ça arrive. Ça arrive aux meilleures équipes. Ça arrive aux meilleures équipes. Ottawa, ils ont mangé le volley. Ils ont perdu Spezza. Ils ont perdu Anderson. Ils ont perdu. Puis sérieusement, eux autres aussi, ils ont une grosse chute. Tu sais, c'est normal. C'est normal. Puis les gars, ils commencent à voir, tu sais, à manger. Mais contre Toronto, tu peux pas perdre 5 ans. Et la deuxième période qui se termine. Tu peux pas. Leave Sox. Contre Toronto. Non, on peut perdre 5 à 1 contre Toronto. Un peu d'honneur. Les Leafs, ça va être un team, mon gars. C'est les Leafs. C'est juste des gars. Ils ont pas fait les séries puis quoi 2004. Ouais, mais hey, les Leafs. Tabarnak. Les Leafs sont en train de se remonter, là, par exemple. C'est ça, sur le modèle des Browns. Du gros physique, puis on va rentrer dedans. On a le petit talent. Cadrier, si contre des buts. Comment tu veux gagner une Coupe Stanley avec de la toughness puis du physique, man? Du poids. Ça prend du pas tout le temps vrai. Mental toughness. Les Kings ont gagné sans le poids. Excuse-moi, les Kings ont Dustin Brown, mon gars, c'est un des gars qui livre le plus de mise en échec de la nationale. Il a 53 et tout. Ben, il est vieux, man. Dustin Brown. Il est vieux, Dustin Brown. T'es malade, toi. Sur ce, on s'en va à l'entraque et on vous revient. Je sais pas. On va checker son âge. Bon, pendant que Dave check ça, on vous revient pour la troisième période. Avant de recommencer la troisième période, plutôt, on avait quelques stats à vous donner. Dave, Alex. Bon, ben, moi et Mark, on s'assinait sur les hits. Le gars du Canadien qui a le plus de fait de hits. Donc, celui qui en a le plus, c'est Alexei Yemelin. Donc, Martin a raison. Ouais. Je donne à ça, mais après ça, il m'a shooté Dustin Brown. Il y a 110 hits. Après ça, il a shooté Dustin Brown, puis là, j'étais rendu à la troisième page, puis je ne l'ai pas trouvé. Okay. C'est quoi le minimum de la troisième Brown page? Le minimum de la troisième page, on est dans genre, même pas dans 50. Là. Ouais, on est dans 50. Prost. Dans 78, on avait dit Prost. Prost 78, ouais. Bon, fait qu'on s'entend que notre deuxième Piqué plus gros ben hitter. 45, même Piqué Subban n'a plus que Dustin Brown. Mais tu vois, c'est pas le même job. Ouais. Tu sais, c'est là que tu vois que c'est pas le même job à Def. Dit que Dustin Brown gagnait. T'as dit que les Kings gagnaient la série à cause de Dustin Brown, puis qu'il était un gars, lui, il était... Il a pas là. Dit qu'ils ont gagné à cause de Dustin Brown. C'est à cause de la robustesse de Dustin Brown. Sérieusement, la Coupe Stanley se gagne sur la robustesse, pour vrai. Pour vrai, la plupart du temps. Sérieusement, mais Montréal compte Boston en 4-7. On les a battus combien de fois? Ouais, ça mais non, on les a même. Jamais battus, par exemple, dans les années où ce qu'ils étaient. On comme... les a battus quand il y avait Lucic, Chara, puis Bergeron, puis Pas Popper. Non, il n'y avait pas Marchand, il n'y avait pas Horton, il n'y avait pas. Il y avait tous ces gars-là. Non, il n'y avait pas Horton. Ouais. On les a pas battus quand il y avait. Okay, non, il n'y avait pas Horton. Horton n'a pas une si grande influence que ça. Il y avait Chara. Marchand n'était pas là. Il y avait Marchand. Ben oui, Marchand. Il y avait Marchand. Il y avait. C'est qui l'autre? Bergeron. Ah, Bergeron. Il y avait un autre, c'est du Bergy. Bon forward. Ah, mais Bergeron, c'est encore lisse. C'est pas quelqu'un qui fait. Il y avait un autre bon forward. Ah, oh, il y avait un Castle. Je pense que même si Nick Crosby a plus de hits que Dustin Brown. Ben voilà. Ben moi, j'aimerais bien qu'on me parle de Dustin Byfuglien un peu. Là. Dustin Byfuglien, Byfuglien. Ben alors, on a fait le tour et on commence la troisième période. Et voilà. Ah, on commence ça, tu okay, vois. La là, période n'avait pas commencé. Hein. Non, là, la période commence. Hey, bonne troisième. C'est la Zamboni. Et on a mentionné Piqué Subban qui avait plus de hits que Prost, je pense. C'est, qui? C'est... Subban? Il avait plus de hits que qui? Non, il en avait 45. Il en avait plus 45. Que Dustin Brown. Plus que Dustin Brown. J'ai peut-être mal checké. Là. J'ai peut-être manqué Dustin. Là. Ah, c'est correct. Ça tombe pas mal. J'aimerais qu'on parle de quelque chose qui s'est passé cette semaine. Piqué a été expulsé en fin de match contre Pittsburgh. Ok, sérieusement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Piqué avoir l'air épais de même. Moi, non, mon tu premier. De la bataille ou de l'expulsion? Ouais, non, non, t'as les peu. Deux. La... Ok, la bataille. À chaque fois que Piqué décide de dropper, c'est tout le temps comme vraiment de la merde. Très, très mauvais. Puis il y a comme pris le gars par le cou, je veux dire, c'est comme. J'adore les puis fights de la Ligue nationale, puis je déteste pourquoi voir. Pourquoi il a fait un gros smile après sa fight, comme s'il avait gagné? C'est la frustration. Il a juste fait le mauvais game. Ah, c'était là. Sérieusement, il y avait ça, l'air là. De Jean-Pascal qui vient de perdre un round. Genre. Ouais, c'est ça. Genre faire des push-ups dans le ring. Là, Dave, ça. Arrête de faire du profilage de même. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais il dit, hey, pour l'expulsion, par exemple, mais je pense pas qu'il méritait d'être expulsé. Bon, vous regardez. Mais sur la game, non. Pas vu, il méritait moi, pas d'être sur la game. Lui, il l'a vu. Bon, c'est texté dessus d'après. Je dis, OK. Je l'ai vu après. Il méritait pas de se faire expulser. Hier, contre le match contre Tampa Bay. Malone. Malone, lui, il méritait d'avoir une inconduite. Oui, mais il l'a pas eu, tu sais pourquoi? Parce que la pénalité était très, très limite. Méritait pas. Mais c'est pas grave, le coup de bâton à terre, mais tu verrais un joueur faire ça, c'est du sud d'inconduite. Oui, mais je te le dis, il a pas donné à cause que la pénalité était pas méritée. Il sentait mal. Non, mais il veut pas, c'est ça. Puis pour de vrai, là, quoi, qu'est-ce qu'il a fait de Subban? Subban est rentré sur le jeu pour il a mis sa main en face. Ouais, ouais, puis il a crushé Kennedy d'en face. C'est parce qu'il est rentré tout de suite, puis ça a arrêté le jeu quand il est rentré sur la glace. Puis là, il a mis la main en face, puis il a poussé un autre gars. Ben, il était en avant du ban. Ouais, il voulait foutre la merde, là. Il voulait ça mérite pas une inconduite de 10 minutes. C'est ça, c'était pas au point d'une inconduite, là. C'est peut-être une pénalité, mais pas une inconduite de match. Que tu le crises dehors, pourquoi? Ah ben c'est pas, il a pas dit quoi ref, je sais pas. Non, il a Il a pédé un 2, mais il y a eu quoi, 2 pour anti-sportif, puis ouais. un 10? Non, 10. On n'a pas été en piqué. Anyway, de toute façon, là, Subban, il a eu de la répap, à chaque fois qu'il se bat, moi je me souviens tout le temps son fight contre Marchand, là, il avait essayé de se fighter avec, puis il avait essayé de swinguer, un coup dans le bas, il était comme tombé à terre. Ça c'est correct, je respecte ça, au moins t'as droppé, hein. Mais sérieusement, c'est pas sa job. Je respecte pas ça. Subban, c'est lui qui avait rentré Marchand, que Marchand est intervenu. Quand je vais revenir sur Yemlin, là. Tu sais, comme Yemlin, drop pas, là. Si tu sais pas te battre, drop pas. Mais c'est parce que lui, c'est parce qu'il Yemlin, c'est parce qu'il essaie trop de protéger sa face. Il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. Parce que si le gars, il fight. Non, c'est vrai. Non, mais il faut que tu t'enlèves. Parce que si le gars, il fight. Pis là, toi, tu refuses de te battre, pis tu fais genre turtle, pis tu fais rien. Là, t'as l'air encore plus comme d'un. Ben, c'est à peu près ça qu'il fait, mais moitié turtle. Comme... Non, mais il essaie de se protéger, parce qu'il veut pas se faire slugger, pis il sait pas se battre. C'est surtout ça, il y a aucune technique, il y a zéro. Mais c'est comme Plekanec, c'est jamais battu dans la NHL, mais il va dropper les gants, c'est juste se protéger. Ah, mais c'est des combats plates, ça. Bats-toi pas dans ce temps-là, parce que c'est des joueurs là qui essaient juste de renverser ça. Ben oui, mais sauf qu'en avant du net, mettons qu'il y a une chamoyage, mais il va dropper ses gants, mais c'est juste se protéger, mais il se battra pas. Ah, il y a un col roulé, quand il s'oublie ça. On va pas le voir, man. Ben moi, je l'aime en estime, le col roulé, man. Ouais, là, présentement, ils sont pas bons. Il y a un slump de. Ben, pour continuer dans le slump, un slump de Patcher. Mais il y a un Patcher Ratty, là. Peut-être qu'il y a une passe, mais c'était le cul parce qu'il est sorti du but, man. Mais Pat Charity, hier, il me tapait tellement ses nerfs. De toute façon, de ce temps-ci, là, c'est qui joue bien? C'est Gallagher, man. Là, c'est surtout Galchenyuk de ce temps-ci. Gallagher, un petit slump. Mais Gallagher, ouais, mais il se donne tout le temps. Il est plus capable de faire qu'est-ce qu'il faisait avant. Mais il se donne tout le temps. Ouais, mais il est plus capable de faire. Il joue tout le temps. Mais de ce temps-ci, c'est Galchenyuk qui est vraiment comme sur une pente de fou, là. Il a rattrapé Gallagher d'un point, puis il était comme en retard. Là. Ah, mais ouais, c'est plus comme un passeur qu'un scoreur. Dernier bout. Il passait plus qu'il scorait dans le fond ouais, aussi. C'est ça, qui arrive. Il a monté d'un double. Ouais, mais ça, c'est notre troisième ligne. Ils sont où, Dernier, Bourque, Ryder? Ok, oui. Mais là, Bourque, il vient de revenir. Bourque, je pense qu'on peut encore. You, Pacioretty, qui était le meilleur pointeur l'année passée. Pacioretty, cette année, là, il est plus capable de rien faire. Il perd tous ses batteurs contre un. Hier, j'ai regardé le match, là. Oui, il est sorti du banc, il a fait une passe, man, ils ont fait un but, il a eu une passe. Mais toutes les batailles, un contre un qu'il avait sur la glace, il les perdait. Ben, la game contre Pittsburgh, là. Toutes! C'est qui a engendré le premier but? C'est Prost, qui a été en arrière du net, qui a été, tu sais, il a forechecké. Il est sorti avec la puck, puis c'est lui qui a fait la peur en avant. Je sais plus c'est qui a pogné. Il n'y a pas personne qui a blâmé. Il l'a pas blâmé. Non, ouais. Je le blâme pas. Je veux dire, c'est le gars qui a encore montré l'exemple. C'est le gars qui s'est mouillé le plus, ouais. Qui a été comme faire tu du gros aller fort que ça check. Fait un mal. Pis, c'est ça. Lui, il est allé. Gallagher, c'en a un autre. C'est pour ça qu'il a ramassé des buts de même. C'est parce que ce gars-là. Ouais, mais Gallagher, il se fait faire mal. Gallagher, le monde, ils font mal. Non, mais il doit. Tu veux pas, t'as un petit peu de petite crainte. Là, Gallagher, il a la petite crainte parce que Chris, il se fait ramasser partout. Parce que, man, le monde, il cible, là, puis c'est le gars qui est fatiguant avant du net. Gallagher, man, il mange des astis de hit. Ah, il doit tellement avoir mal. Gallagher, si t'as vu Gallagher, c'est un power forward de même pas 5 pieds 8. Genre puis il va voir le net comme s'il avait 6 pieds 6. Parce que Gallagher, là, mais il ça, a mais comme, ça y fait mal. Il y a comme un missing link, là, on dirait, dans ce gars-là, pour vrai. Là, on dirait qu'il sait pas ce qu'il fait. C'est sûr qu'un missing link a tout le temps un smile dans la face. En même temps, c'est pour ça qu'il joue dans la NHL aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a le missing link, parce qu'il est petit. Ben, il fait sa place. Hey, il s'en vient des favoris, là, d'après plusieurs coachs, ouais, là, pour le rookie of the year. Juste, hey, man, le match contre Pittsburgh, il a pogné 4 pénalités à lui tout seul. Il a pas fait grand-chose. T'sais, puis le dernier match contre Tampa Bay, on l'a pas vu, sa troisième ligne. Il y a Jenga, quoi, mais on l'a pas vraiment vu. Tu viens il la game de... Il manque quelque chose. Il est dans un slump, présentement. Puis c'est pour ça qu'il est plus sa première ligne. Il est sa troisième avec Gal Jenga. Il s'est fait démoter. Il s'est fait enlever la première ligne. À ça, il est sa troisième. Puis c'est pas pour rien, parce qu'on le voit plus. Il y a comme là, il se fait rentrer vraiment gros pour de vrai. Puis le kid, genre, je donne tout le mérite qu'il y a, là. Moi, tout le monde, j'irais même plus dans l'avant. J'ai les boys. Mais il est complètement fou, ce gars-là. Il s'était fait checker un moment donné, là. Un petit gros check. Puis après ça, c'était comme Desharnais qui avait voulu aller comme le défendre. Puis. Moi, j'avais aimé ça parce que regarde la gueule, il avait donné un coup de stick à Desharnais en voulant dire comme, eh non, le laisse faire, le gars, je vais m'en occuper. Ouais. Puis finalement, c'est Bouillon qui a sauté dans le mêlée. Ouais, je suis capable de le prendre. C'est contre qui, ça? Ouais, c'est ça. Il a dit comme, ok, je suis capable de le prendre. Ça fait à peu près comme 4-5 games. Ouais, mais là, ça fait 4-5 games, justement, qui se fait rentrer. Ça fait 4-5 games qui se fait rentrer solide, Gallagher. Puis on dirait qu'il commence à avoir de plus en plus, genre, de la misère. Genre, peut-être, il y a peut-être une petite crainte qui commence à se taper. Pendant les séries, ça va faire encore plus mal. Alex, sans que ça soit une crainte, là, ça se peut-tu Mais en même temps, les séries, c'est moins long, puis il y a de l'adrénaline. Moins non, mais attends un peu. Ça se peut-tu que le gars, là, Gallagher, il commence comme à avoir mal en hostie, tout le fait que Magané, là? Jeff a quelque chose à dire. Non, je voulais qu'on enchaîne sur un autre sujet, parce que la période de temps file, et j'aimerais qu'on passe aux questions du public avant d'aller à la Ligue nationale. Il y a Pat Silverwolf sur Facebook qui nous demande est-ce que Piqué Subban a des chances pour le trophée Norris cette année? Ben, absolument. Ouais, il mérite en crise, mais je pense qu'il n'est pas aimé, fait qu'il gagnera peut-être pas. Je pense pas que ça va vraiment un impact. Parce que le trophée Norris, ça va être celle-là qui a compté le plus. Ben, fait le plus de points. Un défenseur qui a fait le plus de points. Ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Trophée Norris, ça devrait aller au meilleur défenseur. Mais eux autres, ils se basent sur le défenseur c'est qui a défenseur fait le plus offensif, de points. Ouais. Fait que c'est pour ça que Lindstrom. C'est lui qui a promis présentement. Mais là, lui, c'est le premier. C'est le premier, c'est premier, ouais. 36 points fait en 36 points. Mais c'est Lidstrom, c'est en même temps, je veux dire, à la défense de Lidstrom, ouais, mais en plus de ça, c'était. Il aurait pu rapporter comme le Lady Bing, là, ce gars-là. Ah, ouais, mais parlons-en, le Lady Bing. Quand tu remportes le Lady Bing, tu sais. Tu t'appelles pas Lady Bing. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que t'es Joe Sakic. Non, mais c'est que t'es tellement respecté aussi comme joueur parce que t'es pas cochon. Non, t'es pas un gentleman. Non, non, mais c'est ça, man. Qui va scorer des buts, mais qui dira jamais rien. Plekanec, ça pourrait être un joueur qui pourrait gagner un Lady Bing parce que c'est un gentleman, tu sais. Oui, il pourrait gagner le Lester B. Trophy, l'attaquant. Le meilleur défense. Meilleur défense? Ben, non, mais l'attaquant qui est le meilleur dans, son, dans la défense, ça, c'est le Lister B. Person. Right? Ah, je sais pas. Ouais. Lister B. Ça, Person, c'est pas un ancien, un ancien premier ministre du Canada, ça. Ouais, mais, il est pas ses billes de 5, lui. Hein? Ben, il y a un trophée nommé après ce gars-là. C'est le meilleur attaquant défensif. Ben alors, on pense presque tous que Piqué a des chances cette année. Ben oui, c'est sûr qu'il est qu'il est en liste pour ce trophée-là, sans équivoque. Ouais, là, mais... Je pense que, oui, il est, mais en même temps, oui, le monde va-tu voter pour lui? Les journalistes vont passer les journalistes. C'est ça, c'est les journalistes. Ils vont-tu les journalistes voter pour lui? Les coachs puis les directeurs généraux qui votent, je pense. Oui, parce que, ben, en même temps, je pense qu'ils sont. Non, je pense que les coachs votent c'est pas. C'est les coachs. Non, les coachs ont voté récemment. Pour savoir qui le méritait, puis ils ont voté pour Subban. Ben, je pensais que. Moi, je pense que c'est les coachs qui décident. Je pense qu'ils votent pas. Je pense qu'un coach, il aimerait savoir Subban dans son équipe. Là. N'importe quel coach. Les fans, les fans peuvent l'haïr. Mais tu veux le voter. Tu veux dire une affaire. Coach, si, si Boston pouvait mettre la main sur P.K. Subban, et ils seraient eux autres, là, ça serait le 7e siècle. Puis si on avait un team dans notre division ou même dans notre conférence qui a P.K. Subban dans son team, tu me crées-tu qu'on sente belle, il se fait huer en tabarnak Piqué Subban. Ah, puis c'est du quoi? Tu comprends-tu que aussi à chaque fois qu'il viendrait jouer contre Montréal, il nous scorerait tout le temps un but, là? Tu sais, je veux dire, il serait tellement... Oh, il nous ferait tellement ça, c'était mal, cette game-là, que le monde n'arrêtait pas de lui. Ben, tu sais, qu'ils ont compté. Boston a compté 4 buts, on a gagné. Il arrêtait pas de lui, mais après ça, lui, il compte, man. Ça, c'était un fuck you. Nous autres, on a eu Chara, mais il compte jamais. Ça, c'est... Chara, il est pourri. Ouais, mais il compte jamais. Un grand 5. Mais nous autres, le gars... Puis Boston qui a eu des pay power play. Je sais pas si le power play a augmenté, comme le ratio, là, il y a pas longtemps, mais c'était... dégueulasse. Nous autres, le gars qu'on a eu pour l'équipe, il compte jamais, mais eux autres, le gars qu'il y a eu pour, contre nous autres, genre, le gars, il score. ça, c'est comme dans notre ligue. C'est comme notre ligue 70, ça. Ah, mais c'est comme « Fuck you, Boston ». On avait une deuxième question sur Facebook qui nous vient de Mathieu Lamarre. Est-ce que le Canadien est surévalué? Ben et moi, à ça, en partant, j'aimerais dire, surévalué par qui? Ouais, moi, c'est le classement? Par toi? Par les fans? Par les journalistes? Que... Ben lui, ce qu'il disait, c'était par les journalistes. Lui, il disait que le Canadien, c'est un club de 7, 8e rang. Les journalistes, cette année, ils ont tout évalué qu'ils finissaient en bas de la cave encore. Faites sauf Réjean Tremblay. Ouais. Réjean Tremblay, le plus crédible de tous. Le gars qui a Moi, je sais pas quoi répondre à ça, sérieusement. Parce tu peux que pas Pat, il demandait s'il y avait 82 matchs, imagines-tu que le Canadien serait à la même position? C'est vrai, right? Ouais, je pense pas qu'on serait deuxième, mais on serait pas huitième, j'ai l'impression. Non, on serait quatrième. Moi, je sais pas comment qu'on peut calculer ça. Là. Ça se peut pas. Ben, non, non, je peux pas figurer ça. Moi, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'on peut calculer ça. Ça se quantifie pas, ça, des points, parce que c'est pas comme. C'est des faits. C'est pas. Dans le fond, ouais. Là, si tu veux... parce que c'est tellement d'impondérables. Ouais, mais à 82 ben, games... Il y a trop d'impondérables. Fait que les impondérables, la meilleure façon de calculer, c'est de faire une moyenne. T'as gagné tant... Si on fait une moyenne là, on est comme dans le top. On est dans le top. Fait que regarde, c'est quoi... Pourquoi on peut pas... Mais lui, il veut dire... Moi, je dis là, que Montréal, c'est une équipe quand même qui est plus frémée comme un chat, là, quand même, là, à long terme. Puis une équipe qui est frémée comme un chat, là, par exemple, c'est sûr que ça se blesse plus... Que ça se blesse plus, puis que c'est moins tough. Mais c'est pas ça, puis c'est à 7 vies. Non, arrête, sérieusement, Montréal, on a tout le temps été un team qui a tout le temps été incommodé par les blessures à long terme. Mais cette année, on l'est pas. Une saison de 80 quelques matchs. Mais cette année, on l'est pas. Il nous reste la profondeur physique et pas mal moins grande. Juste la perte de Emeline. Ça s'applique à toutes les équipes. C'est ça qui m'engage. Tu me reviens avec Emeline. On se demande en début de match, justement, est-ce que Emeline est important pour le Canadien? Je pense que oui, on a parlé pendant trois périodes d'Emeline. Ah, moi, Emeline. Lui, arrête pas de dire Emeline. Sérieusement, moi, quand la saison a commencé cette année, le joueur que j'étais le plus excité, que j'attendais le plus de voir jouer, c'était lui. Parce que c'était le joueur qui m'avait le plus emballé la saison dernière. Puis c'était lui que j'attendais encore cette année de voir. Je me suis dit, Montréal, on va être poche, mais au moins, on va avoir des big checks. Quand même, comble de... On va avoir de l'action. Puis il reste une affaire, c'est que Yemlin, tu peux pas y reprocher grand-chose. Non. C'est que il est physique, puis en défense... Mais il a pas connu des. Il a fait connu pas... aucune mauvaise puis, game quasiment. Affaire, il y en a eu une que ça a été plus compliqué, je me souviens. Bonne première passe pour relancer. Il y a une bonne première passe pour relancer l'attaque, man. Il est fort. Drewski, là. Moi, je peux juste. Bon sixième, je peux juste bon te dire que comme Def, Yemelin. Quand t'as Yemelin puis Diaz dans ton alignement, il est même pas septième, Drewski, il est pas là. Non, je suis d'accord, mais sauf que là, Diaz contre Emeline, je vais prendre l'offense over la defense. Oui, moi aussi, parce que ça manque présentement en powerplay avec Diaz. Ouais. Mais t'as besoin quand même d'un gars comme Yemelin. Ouais, mais là, OK. C'est quoi la question? Quelle ironie quand même que Yemelin se soit fait blesser par Lucic. Quelle ironie que Yemelin ait eu autant de temps d'écoute. Dans ce podcast. Ben écoute, ce sera la seule fois probablement de l'année parce que l'année achève et cette question était le Canadien est-il surévalué? Mais la question. Ben oui, ben, okay. Je suis bon sur les. Je préfère parler de Yemelin que de parler de Moen. Le Canadien, pour répondre à la question, le Canadien est sous-évalué. Je pense qu'il était pour faire les séries cette année. Je pense pas qu'il était pour finir dans la cave. Puis tout le monde qui dit qu'il était pour finir dans la cave, moi, je croyais pas. Je pensais peut-être comme 6, 7, 8. Mais si on ferait 82 matchs avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît, moi, je pense qu'on finirait peut-être 2, 4, 5. OK. Moi, je pensais pas qu'on on ferait les séries cette année. Sauf que, je vais dire une chose, c'est que je pense qu'on avait peut-être pas le bon système de jeu pour le type de joueur qu'on a. Ben, ça, c'est sûr. La différence est peut-être juste là. C'est que une équipe de la Ligue nationale... Je veux dire, il n'y a pas vraiment une équipe qui n'est pas bonne. T'as des meilleures équipes que d'autres, ça c'est mais sûr. Mais il y a l'esprit d'équipe qui s'est mais bon il y a ça. Il y a l'esprit d'équipe, il y a un système de jeu solide, puis il y a des un joueurs. Sport des coachs. Dirait ça. C'est tout. Ah, c'est sont encore c'est un deux. Ensemble. Fait quand t'as ça, si t'as ces éléments-là, peu importe il y en a combien, là, je pointe trois sur mes doigts. T'es comme Burgi, man. Tu fais comme des devils. Comme Steve Bag Dave. Regarde, je vais en mettre deux. Premièrement. Deuxièmement. À soir. Ce soir. Ce soir. Ces éléments-là, là. Ben, je pense qu'une équipe de la Ligue nationale, généralement parlant, la moyenne des équipes sont bonnes. C'est ça, faire un signe de sphère, man. Imagine. Boule. Imaginez-vous un joueur du Canadien dans le vestiaire, là. T'aimes-tu mieux à attendre fucking Jacques-Martin Grand? Ouais, le gars, effectivement. Fait son pingouin. Pas les bonnes passes, là. Ouais, effectivement. De toute façon, ça devait même pas être Jacques-Martin qui allait devait envoyer aussi son assistant. Imaginez-vous les deux vestiaires, comment ils sont différents. Puis Randy Cunningworth. Non, OK. Sérieusement, on peut pas... Excuse, on n'a pas le droit de prononcer le nom de Randy Cunningworth. Non, par respect pour Randy Cunningworth qui s'est fait garocher là, on n'a pas le droit de l'écœurer, je pense. Mais moi, en tant que joueur de la chaise, je m'en colle les sucs qui disent quoi. Je suis comme fuck you, dude. T'es qui toi? Who the fuck are you, man? Moi, je fais 4 millions par année. Moi, je pourrais jamais bâcher sur Randy Cunningworth parce que ce gars-là, il s'est juste fait garocher là. C'est une marionnette, certain. Sauf que je suis d'accord avec ce qu'Alex dit. Je veux dire, un joueur de la Ligue nationale qui a un statut, il voit Randy Cunningworth arriver, il fait comme. Non, c'est parce que la différence, c'est que cette année, mais ça a marché dans d'autres places. Bruce Boudreau est arrivé, genre, justement. Ben, il est arrivé le maire à Washington, puis les joueurs l'ont respecté tout de suite. Avec Tampa Bay, le gars qui répense. Non, ouais, hey, ils ont fait les séries. Dégueulasse, Boudreau, là, Ovechkin l'a envoyé chier sur le banc. Non, non, pas de la première saison. 2007-2008, non. 2007-2008, les Capitals, c'est dans la cave. En fait, ils ont fait les séries, genre, au dernier match de l'année, avec Bruce Boudreau. Après ça, ils ont perdu en premier round contre les Flyers. Puis les Flyers ont éliminé les Canadiens en deuxième round. On s'en rappellera. À cause que Bruce Boudreau ne pouvait pas battre les Acid Flyers. Ben justement, là, justement, on parle de Bruce Boudreau, on parle des Capitals, on parle d'Ovechkin. On s'en va dans la, dans la NHL. Je veux qu'on parle d'Ovechkin. What the fuck, Ovechkin? Il fait qu'est-ce qu'il est supposé faire. Ouais, c'est ça. Mm. Ovechkin, il est redevenu le tank qui était supposé être. Il remplit le net. Il est, c'est le gars qui est capable de scorer des buts. Pourquoi? Parce qu'à Damos, man, il a donné les clés en main et il a dit fais ce que tu veux. Il a donné les clés de la ville. Va scorer, tabarnak. Pourquoi il faisait pas en début de saison? Pourquoi c'était pas ce Ovechkin-là avant? Puis là, tout d'un coup, il fait quoi? 16 points en 10 matchs? Ok, non, mais sérieusement, ok, on s'entend-tu que peut-être que Ovechkin. Je pense encore. Peut-être qu'il a juste pris le. Il a juste assumé son rôle comme il se doit de l'assumer. Puis il s'est dit... Il a assumé son rôle comme Crosby peut l'assumer dans une équipe. Moi, je pense que... Je pense que c'est juste lui dans sa tête. Dans les premières années, Ovechkin, là, il était pas comme ça. Je pense qu'il est devenu un joueur tête enflée. Mais en 2007-2008, il a fait quoi? 70 buts? Il a gagné le Hart, il a gagné le Ross, il a gagné 4 trophées. Le Maurice Richard, puis il a gagné le... Chris Hart, Ross, Maurice Richard... Puis un autre, c'était le premier joueur à gagner 4 trophées. Il a battu Crosby d'un goal. Il a fait comme 60-65 buts. Ça s'est jamais fait, là. C'est le seul gars qui l'a fait. Puis après ça, on dirait qu'il est devenu trop populaire. C'est pas le seul gars qui l'a fait. Ben non, mais récemment, oui. Oui, récemment, oui. Là. Il a gagné 4 trophées, man. Puis il n'y a jamais personne qui a fait ça dans la NHL. Même n'importe quel joueur que tu peux t'imaginer, il n'y a jamais quelqu'un qui a gagné le Hart, le Ross, puis le Rocket, puis l'autre que j'oublie. On l'oublie tout là. Oh, mais c'est sûrement Lady Bing là. Non pas lui. Pavon Tatou il a gagné. Puis, ben non, mais je m'en rappelle parce que j'ai lu le livre de Bruce Boudreau. Hey, Bruce Boudreau là, Bruce soir. Boudreau, puis il a gagné Jack Adams. Les oreilles Bruce de Vicini. Bruce Boudreau a gagné le Jack Adams Bruce en 2007-2008. T'as-tu vu leur dire Bruce? C'est factuel. Guy Carbonneau, t'es avec lui, puis Mike Babcock. Bad cock. I don't want to say cock on the radio. C'est l'internet ici d'Alex, on peut dire ce qu'on veut. Bon cop, bad cock. Moi, je me retenais. Là. Fait que non, mais en tout cas, fait que Ovechkin a vraiment été bon pendant une couple d'années. Bad cock. Ovechkin a été bon pendant une couple d'années, mais après ça... Les gars, focus. Mais ça, Ovechkin a été bon pendant ces années-là. 2007-2008, 2008-2009. Ah, mais il est tout le temps bon, c'est ça. Non, mais après ça, il a slumpé. Puis après ça, c'était... Il a slumpé ou il s'est laissé aller? Il a slumpé comme il est tombé sur la poudre. Ouais, ouais. Il a laissé allonger ses cheveux. Il a pas réparé son dentier. Il était pas propre. Là. Il avait tant de fronts en sueur. Il a pas vu ses dents. Ouais, mais ça, mais non, mais... Il s'est laissé aller, puis on dirait qu'il s'est laissé embarquer dans... Tu sais, il a lâché sa ligne de ouais, vêtements. Ouais, parce qu'il était il party, avait du parfum. Là. Mais ça, genre, vraiment, là... T'as le goût de sentir comme Ovechkin. Les photos à Montréal pendant le match des étoiles avec toutes les jeans déchirées dans un bar avec Markov. La filière russe. C'est la filière russe, ça. Non, mais... Veux pas, oui, il a slumpé, mais là, je pense qu'il est en train de revenir, il s'est coupé les cheveux, on dirait qu'il est plus sérieux. Ben, c'est ça. Il s'est réveillé. Non, il a assumé son rôle. Il a assumé son rôle, sais-tu quoi? Il est devenu mature. La seule affaire que tu peux attribuer les insuccès genre des Capitals, c'est Ovechkin. Parce qu'Ovechkin prend tellement de place, il est tellement big dans cette équipe-là, que je pense que la seule chose que tu peux attribuer les insuccès, c'est ça. Mais il y a Backstrom, il y a Green. Hey, t'as pas le droit de tirer sur le gardien après que la période est finie, man. Mais fuck off, moi j'entends le monde. Moi, non, mais là. Non, moi je suis dans les empty net, mon gars. Là, tu sais, le calme est parti, clac. Après ça, t'attends les gars, venez vous en crisse. Toi, Mark, tu vas tirer comme dans la game des enfants en deux périodes. Tu vas slap shot sur le goaler de 4 ans. Dans le casse. J'avais deux notes qui me restaient. On n'ira pas vraiment en overtime. Moi, je sais ce qu'on a. On est dans l'overtime présentement. La fougie, pis c'est... Bon, ben, on prend une pause, puis on s'en va en overtime et on revient. Merci. Alors, on commence la période de prolongation. Ah, t'as un peu une période de prolongation. Oh, Emeline! Ok, c'est bon, merci. Fait que le speech sur Emeline est fait. Calme. Moi, j'avais deux trucs de noter. J'avais Shanahan, qu'on avait parlé en début de première période, qu'on voulait revenir peut-être dessus. Avez-vous quelque chose à dire? Il y a une affaire de Shanahan. Ouais. Il a jamais suspendu Emeline. Ah, ça, je peux te le confirmer. Non, vraiment, moi, je pense que c'est un petit peu... comment on va dire? Ramolli. Relâché. Ouais, relâché cette année. L'année passée, on dirait qu'il voulait prouver de quoi. Cette année, là, mais on laisse passer encore. Hey, c'est ça, il suit le flow. Là. C'est le même, ça marche. Il est rentré sous pression, il fallait qu'il fasse sa marque. Fallait qu'il, exactement. Non, ouais, c'est le gars de la situation. C'est comme, moi, je rentre, j'arrive, là, puis c'est comme... Ça va marcher de même. Puis... Je prends Stéphane Quintal comme assistant. The new sheriff in town. De... C'est ouais, comme, ouais, ouais. J'arrive, puis je veux imposer ma loi, je veux montrer comment moi, je vais diriger, comment on va suspendre. Hein? T'as dit imposer comme Jean-Pascal. J'ai imposé ma loi. Imposer. Je l'ai dit à l'haïtienne, c'est ça? Ouais. Ouais, okay. Je regrette. Quelqu'un parce veut que... remixer cette parole-là. Hey, non, non, non, mais je tiens juste à dire, à faire une parenthèse, imposer. Que je ne suis pas un fan de Jean-Pascal. OK? Bouté all the way! Non. Hey, puis je fais une parenthèse que ce combat-là, je trouve que c'est vraiment de la merde. Là. C'est trop vite dans leur carrière. Fin de la parenthèse. Oh, mais parlons football. Mais le combat, il est payant, puis les postes américains le veulent. Fait que, c'est pas... Ah, je trouve ça dégueulasse. Moi, sérieusement, je trouve ça pourri. Les deux, je trouve qu'ils scrapent leur carrière en faisant ça. C'est comme si. On était à la soirée de la boxe. C'est genre pour plaire à leur petit fan. Puis, gage, ben, ça me fait. C'est pas juste pour plaire à leur petit fan, mais anyway. Shanahan? Moi, je pense qu'il est rendu plus mou qu'il l'était avant. Ah ouais. Il aurait dû. Pourtant, il devrait continuer dans la même veine. Moi, je dis que il était bien parti, puis là, il déçoit. Moi, je dis que Shanahan, là, présentement, il est dans un slump. Ouais. Ah ouais. Ouais, il est dans un slump, man. Il devrait aller chercher Lucic. Tu sais, tu vois qu'il joue plus la même genre. Il jouera plus. Non, sérieusement, ben c'est ça. Shanahan, gaffe, c'est comme tous les préfets de discipline. Ben, l'autre seul point que j'avais, c'était les playoffs qui s'en viennent. On pourrait parler un peu des playoffs qui arrivent. Là. Vos prédictions, qu'est-ce que vous pensez? Bon, ben, pour vrai, j'avais général, une question. Ouais, vas-y. Les playoffs, c'est là, le on préférerait-tu jouer contre Toronto ou contre... OK, ben, présentement... Ça vous fait super jouer contre Toronto? Présentement, oui. S'il y avait des séries qui commençaient aujourd'hui, le Canadien se prendrait contre la 7e équipe parce qu'on est 2e. Ouais. C'est Islanders, c'est ça? Les Islanders. Ouais. Les autres, ils ont eu leur numéro toute l'année. Ils ont battu ouais, toutes les toute matchs. Toute l'année. Ouais, puis là, en plus, ils sont d'un... Eux autres sont pas d'un slump en ce moment. Eux autres sont une super lancée. Là, en même temps, c'est Nabokov. Les teams, là, qui sont... Ouais, OK, nous autres, là, on va finir genre 2e ou 4e. Pas mal sûr qu'on va finir okay, là. Okay, Toronto, si on finit ou deuxième Islanders. Ou quatrième, on affronte soit Toronto, Ottawa, Islanders ou les Rangers. Ça va jouer en ces équipes-là. Bon, parfait. Okay. Moi, mais ça... si mettons ça arrivait que Toronto 5e, nous autres le 4e, ça vous dérange-tu jouer contre Toronto? Oui. Oui. Oui, pourquoi? Ça me parce qu'on s'est pourquoi? Fait chier pourquoi? Toute l'année Attends, contre eux autres. Tu t'es dit oui, pourquoi? Oh. Ben, parce que justement, on s'est fait chier contre eux autres toute l'année. Là. Ouais. T'as peur de perdre? Ben, c'est ça. J'ai peur de perdre. Non, ouais, mais moi, c'est plus qu'elle a peur. Oui, j'ai peur de perdre, mais en même temps, c'est la honte de perdre. Non, c'est dégueulasse. Ça fait chier perdre Toronto, Toronto au même c'est point ça, que ça moi, fait chier perdre contre Boston, mais c'est... Toronto, ils ont deux points, OK? Mais Boston, je le prends mieux, mais perdre contre Toronto. Toronto, Boston, là, sérieusement. Ça va être une guerre. Contre Toronto, perdre, tu vas être comme... contre Boston, c'est correct qu'on s'est bien battu, mais perdre contre Toronto, c'est une guerre aussi. C'est une rivalité naturelle. Mais contre Toronto, ce qui me fait peur, c'est au même titre que Boston, c'est que eux autres qui ont la, ils ont du toughness, Toronto, puis ils ont Reimer dans ouais, le Montréal qui goal solide. Puis les playoffs, c'est une game de ouais, goal. Mais on est Montréal, puis on perd contre Toronto. Je sais. Avoue que si tu perds contre Boston, c'est comme Basti, mais non. Je sais, mais on assure ça d'un net. Toronto. Des nets. Ok, parce ben, playoffs, c'est une game de goal. C'est 90, de base, Reimer, il n'a rien fait dans les séries encore, puis Price non plus. Fait on sait pas à quoi s'attendre. Mais Price, ouais, mais Reimer de ce temps-là, par exemple, je veux dire, là, il est assez hot. Puis si tu checkes tous les clubs que tu as nommés, là, ok, peut-être Islanders qui serait peut-être plus chambranlant, peut-être ouais, dans Rangers un 4-2-7. Tout, mais on... les Rangers avec Lundqvist, puis Ottawa avec Anderson. On va virer la question d'abord. Qui serait l'adversaire idéal pour le Canadien en série? Ben, cette dans, année? Dans ces quatre teams-là, moi j'irais pour les Sénateurs, je pense. Ah ouais? Moi, les Sénateurs, sérieusement. Toutes les teams qui ont un bon goaler me feraient. Moi, je vais prendre les Islanders. Ben, c'est ça. C'est moi, je vais prendre les Islanders parce ouais. qu'ils n'ont pas de bon goaler. Ouais, deuxièmement, ça. Oui séries, ils ont eu important. Notre numéro. Ils ont eu notre numéro pendant toute l'année. Ouais. Mais je veux pas les séries, c'est les séries. Ouais. Puis je pense pas que ces goalers-là peuvent t'offenser. Moi, ça serait les deux teams qui me feraient le moins peur. Ben, non, même dis, les Rangers. Même je dirais pas. Peur. Ouais, je dirais peut-être plus les Rangers ouais, que Ottawa. Ben, même. Les Rangers, ça peut être une méchante belle surprise aussi. Parce que depuis qu'ils ont fait le trade dans la limite, là. Les Rangers, là. On les a eu toute la saison, je pense. Non, on mais... les a eu toute la saison avant qu'ils fassent le trade. Bon, c'est pas grave. Mais ça me fait même pas peur. Non. Parce que Rangers, là, après les trades, là, hey, sérieusement, là, Tortorella, il était sur le bord de la porte, là, pour vrai. Mais là, tu sais que quand on joue pas le style de Tortorella, ils ont lui, fait chiale, le trade. Puis il perd. Attends un peu. Ouais. Gaborik est parti. Ils ont fait rentrer comme le nouveau player qu'ils ont eu en échange. Puis tout ça. Puis, gars, hey, sérieusement, depuis ce temps-là, là, c'est pas MM Rangers, pas en tout. Là. Ouais, mais même à ça, moi, mon adversaire idéal, c'est les Rangers pour une raison. Puis c'est Tortorella. Non, moi, je suis sûr qu'il fera pas le poids. Ce serait mon deuxième choix. Je suis sûr que Tortorella va se planter s'il y a. Gagnant d'une Coupe Stanley. Quand il a perdu même, il y a l'expérience ouais, mais... en playoff. Oui, mais l'expérience, c'est quand même pas tout. Là, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore la confiance de ses joueurs à 100% pour aller en playoff? En playoff, la frustration va être encore plus grande. Puis Tortorella pourrait être le genre de gars à péter une coche ouais. solide puis à perdre son jeu. Il a été chanceux d'en gagner avec Tampa Bay, ce gars-là. Vrai, mais ce coach-là ne mériterait même pas une Coupe Stanley. Il a été chanceux d'en gagner à Tampa Bay. Puis après ça, il n'y a rien, ce coach-là. Il fait juste engueuler ses joueurs. Le monde l'aime pas, mais les joueurs l'aiment pas. Il y en a qui l'aiment. Là. C'est sûr que son noyau qui l'aime. Ah, ben oui, c'est sûr. Mais il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Comme quand tu es obligé de te mettre Gaborik sa quatrième ligne, puis tu es obligé de t'en débarrasser. Ouais, mais attends un peu. Là. Gaborik, on s'entend dessus. Non, il y avait un problème avec le coach. Tout le monde le disait. Il y avait un problème. Tu sais, le Gaborik, là, il y a un petit problème d'attitude et tout. Non, là, mais il y a un problème avec le coach et tout. Là. Quand un coach n'arrête pas de critiquer ses joueurs, man, fort, et loud and proud, puis qui rit, man, pendant que le monde est. Ils sont en train de jouer, puis regarde l'écran, puis la télé. Ah, il y a une éthique de merde, là, ça, c'est sûr. Ils engueulent tout le temps. Ben, à un moment donné, moi, en force de faire m'engueuler, c'est comme fuck you, dude. Moi, je gagne 7 millions par année, toi, 2,5 sur 4 ans. À un moment donné, c'est toi qui as collé ton camp. À un moment donné, j'arrête de t'écouter, puis je m'en fous que tu gueules, là. À chaque fois que tu gueules, je suis comme. Moi, ça me coupe, c'est comme whatever. Ouais, mais il y a sa bague de la coupe quand même. Ouais. Mais ça. Pour tous les coachs qui peuvent se vanter. Ça vaut de pas ça. Toute la même affaire. Monsieur Perron et tout, sa bague de la coupe cette année, puis il fait quoi à ça, là? Ben, on le voit même pas atterrir. Ah, mais là, Chris, on remonte en 86. Encore les vieux stats. Il y a une bague de la Coupe Stanley, man. En parlant de Coupe Stanley, Alex, tu vois qui, toi, comme top contender dans l'Est et dans l'Ouest? Aucune idée. Dur, hein? Jamais. Pendant la série, gars, l'année passée, les Kings étaient 8e, ils ont gagné la Coupe. À cette heure, tu peux plus prédire. Tu fais série, t'as une chance à la Coupe. Ouais. Moi, c'est ça, je crois. Le Canadien fait une série, ils ont une chance en Coupe. N'importe quelle équipe qui fait ça série, dépend, une chance en Coupe. Ça dépend contre qui tu te pognes en partant, c'est sûr. Les Kings sont pognés contre les meilleurs. Les Kings étaient 8e. Ça veut dire qu'ils sont pognés tout le temps contre les meilleurs de chaque série, puis on gagne la Coupe. On sait jamais, là, cette année, avec le Canadien, justement, qui joue bien sous pression. You don't know. Avoir de quoi prouver. Une fois que t'arrives en série. Ben, sérieusement. Tu commences une série canadienne, tu perds 2-0 dans la série. Le Canadien va avoir de quoi prouver en maudit. La dernière fois que le Canadien. Je pense qu'on peut gagner. Ouais. La dernière fois que le Canadien a fini top dans l'Est, là, dans les top teams de l'Est, on s'est fait éliminer en première ronde. Ouais, par qui? Ouais. Boston. Boston, ouais. Ouais, puis ça, c'était en 2007-2008. Avec Carbo. Bon, heureusement, on devrait pas se pogner contre Boston en première ronde cette année. Non, ça arrivera pas. Mais sérieusement, avec la chimie d'équipe. Les Bruins perdent tout leur non, match. Ça se peut pas. Mais avec la chimie de l'équipe, pour vrai, qu'il y a, je pense, là, bien en place, là, c'est comme. Je pense que c'est possible qu'ils puissent faire un bout juste avec ça, là, pour vrai. Là, tenir là-dessus, puis l'esprit d'équipe, puis tout ça, je pense que c'est possible. Est-ce qu'il y a Moi, je pense qu'il n'y a pas de bout. Moi, je pense que si le Canadien fait une série, on a une chance de gagner la Coupe. Comme n'importe quelle autre équipe qui fait une série. Peut-être que oui, c'est. Très optimiste. Moi, c'est à profondeur. J'ai hâte de voir. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas fini en haut de classement de même. Parce que ça joue rough en série, sérieusement. Ça, c'est ça qui m'inquiète rapport, plus. Oui. Est-ce qu'ils ont comme la solidité? Ça joue rough toute l'année. Je suis pas d'accord. Ça joue rough tout le temps. Tantôt, je t'ai dit ça cette année. Là, ben, surtout quand t'as une saison écourtée de même en plus. C'est ça, exactement. La saison écourtée, c'est comme un petit bonus. Mais je veux dire, c'est comme. C'est un bonus de quoi? Ben, c'est un bonus de que t'as encaissé moins de chèques. Oui, moins mais sauf de... que ça fait que c'est une saison qui est beaucoup plus rough. Ouais. Parce qu'à part. À partir du 30e match, tu te bats pour une place au série. C'est ça. Tandis qu'avant, ça en prenait 50. Là, t'as 30 matchs, mon gars, puis après ça, il y a des équipes c'est beaucoup qui plus. Mais t'as bien plus de jus dans le tank. Ça ressemble à, ça ressemble à une saison non, de la NFL. Non, t'as plus de jus dans le tank tellement parce plus vite. Parce que tu joues 20. Tu joues genre sur 30 jours dans un mois, tu vas jouer la moitié. Tu vas jouer 15 matchs en un mois. Ouais, c'est beaucoup, que... même. T'en joues tellement, tu joues les joueurs, 5 les, matchs en les soir, joueurs le disent 4 matchs en 6 eux-mêmes soir. Que c'est très dur une saison écourtée, justement à cause de ça, parce que tu joues trop rapproché. Tu joues pas un soir, tu joues l'autre. Tu joues pas un soir, tu joues l'autre. C'est à peu près tout le temps. Ou tu joues, tu joues pas. Moi, ouais, c'est ça, tu sais. C'est tout pas, le temps. Tu joues. Là, en plus, en. Des deux jours de congé de fil, là. Il n'y en a pas beaucoup, là! Il y a un facteur à prendre en compte, en plus, c'est que là, les Bruins, eux autres, qui ont eu des matchs qui ont été cancellés à cause de ce qui est arrivé à Boston pendant le marathon... Ils vont venir plus tard, eux autres. Ils vont venir plus tard, mais ils vont être plus fatigués, eux autres. Mais hier, avant la victoire contre Tampa Bay, c'est pour ça qu'ils étaient premiers. Parce qu'il y avait un match en main. Ouais. Puis on avait le même nombre de points, mais eux autres étaient premiers parce qu'il y avait un match en main. Ouais, à mais cause Boston a toujours joué en main. Ils ont deux matchs en main. Moi, je trouve pas ça. Mais ils vont. Ils vont les jouer dans un court laps de temps, là, ces matchs-là, par exemple. Eh oui, les autres, ils sont pognés, genre 5 games, là, à peu près, là, quasiment back-à-back. Ça se peut pas. Ça va être de deux fois deux matchs en deux soirs. Oui, non, Alex, sérieusement. Ça va être match. Mais non, pas deux matchs en deux soirs. Non, mais ça va être match, congé, match. Ça va être ça. Mais c'est ça. Je veux dire, on a connu cette année. Ouais, ça y sera pas super. Il y aura jamais 5 matchs à ouais, fois. Ouais, mais c'est quoi? Puis en plus de ça, c'est que Boston, je pense que c'est mais un en fin de saison, qui a été comme épargné par là, ça fait combien de jours qu'ils ont de congé? Ils ont eu 3 jours de congé un match. Là, ils ont un autre 3 jours de congé. Je pense que c'est la seule équipe qui a eu ça. Ah, mais ils sont dans un gros stretch après. Là. Check les games. Mais attends, de Boston, qu'est-ce qui s'en vient pour eux autres? C'est pas grave. Les Canadiens, on n'a pas eu 3 jours de congé de suite. Eux autres, ils ont eu 2 fois. Mais tu veux dire, okay, mais ils vont se brûler après eux autres. Là. C'est vrai que Boston, ils ont tout le temps eu un match en main sur Montréal, quasiment tout le temps. Sérieusement, ils ont eu un calendrier mais qui ça, était comme plus ça, avantageux. Tout le temps, depuis plusieurs saisons. Ça donne une chance à eux autres. Merci, Gary Bettman. Non, arrête, parce que si tu fais ça, tu parles un petit fafan, puis ça marche pas. Là, parce que tu cherches Gary excuses, Bettman, c'est dégueulasse. On en parle une fois. Ah, bon, on peut le noter pour une autre. Ouais. Gary Bettman. Parlons-en. L'association de l'Ouest avec l'association de l'Est, pourquoi que d'autres. Écoute, on se fera un épisode. Batman. On fera un épisode post-mortem de la saison après les playoffs. Puis on parlera de Batman. Ouais, on parlera de Batman. Monsieur Batman. Avez-vous des sujets à aborder, quelque chose que vous voulez parler avant qu'on termine la partie? Ouais, moi j'avais une question. Est-ce que. Non. Ben parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quoi, moi? Le joueur. On veut que notre super joueur, sa quatrième ligne, Armstrong, là. Ouais. Est-ce qu'il vous manque? Pas vraiment. Non, mais il pourrait revenir. Ah, ok. Peut-être plus. S'il est prêt, je faisais juste un box pop. Mais tu sais, regarde, si on compare, mettons, avec, je sais pas, moi, Moen. Ouais, oui. Bon. Dumont, Armstrong, parfait. Alpern, à la limite. Ouais, Alpern, ouais, Dumont, Armstrong. Tu vois, ça marche, ça. Rien à dire contre Dumont. Ben, ouais, ça fait la job, ça. Fait que Moen et Benchy. Puis White et Boy. Tu ramènes Diaz. Kimberly et Dumont. Bench Drewski. Ouais, c'est bon. Diaz. Là, ça va être Weber. Drewski, le gars, on s'entend dessus. Mais ça va être Weber. Drewski, là, pour une saison. Ah oui, t'as raison, c'est vrai, j'avais oublié Weber. C'est Weber qui va être Benchy. Mais dans la game contre Tampa Bay. C'est grâce à lui qu'ils ont compté un but parce qu'il a fait un esti de beau jeu en crissant à Pox à la bande puis est revenu devant Gianta. Ouais. C'était très bien pensé. Il a fait un bel shot hors cible. Non, mais c'était un grosse coin. Ça bien bon. Un beau grosse coin. Bon, on snap dans la bande. Je sais. Non, mais il l'a bien fait. Il l'a bien fait, sauf que, tu sais. Belle shot hors cible. Un slap à la Happy Gilmore. Weber. Non, ouais. Weber, ben écoute. Weber est bon. On salue nos fans en Suisse, d'ailleurs. Mais je prendrais Weber aussi. Salut les cons! À chaque fois. Salut les cons! Voilà, salut les cons! C'est pas des Parisiens, calice. Bon, voilà, du coup. Ah, du coup, tu t'es gouré, ça. Du coup, c'est tous pareil. Là. Ok. Termine cette mission là. L'Armstrong nous manque, non. Oui, non, peut-être. Oui, non, le vent rentre dans le studio pendant qu'on parle d'Armstrong. Brise. Ça, c'est le fantôme du forum de Maurice Richard qui est. Ok, Armstrong nous manque, man. Ok. Hey, je demandais ça de même, moi, là. Non, mais c'est une excellente question. Moi, je pense qu'il manque peut-être un petit peu plus qu'on peut le dire. Moi aussi, je pense. Je pense qu'il peut pas faire mal. Il fait pas mal. Il peut pas faire mal. Bon, il était pas dans la chance. Okay, sérieusement, là, si j'ai pas capoté sur Alpern. Lui ou Moen. Armstrong va nous manquer autant que Alpern. Alpern, il manque bien plus que Alpern. Alpern, c'est un special. Alpern, là, ça a l'air d'un autre bouffe pour chien. Alpern. Alperin. Ben sur ce, la partie est terminée, messieurs. C'est une joke poche d'Alpern. Ouais, on finit ça sur une joke d'Alpern. Au moins, on n'a pas fini sur Emeline, c'est une joke. Ah, je peux pas croire qu'on finit de parler des Habs, mais en parlant d'Alpern. Fait que là, je sais pas si on va avoir le temps de faire un prochain épisode avant que les playoffs commencent, mais sinon, j'imagine qu'on va se faire au moins un épisode pendant les playoffs. Pendant, si le Canadien ne se fait pas éliminer trop vite, après ça, c'était juste un post-mortem. Un post-mortem. Ouais, ça va être post-mortem, playoff, tout d'une shot. Sinon, on va peut-être en faire deux, là. Un pendant les playoffs, puis un après le Canadien gagne la Coupe. Un post-mortem après la Coupe, en juin. Live pendant la parade de la Coupe Stanley Sainte-Catherine. En gougoune avec nos chaises. C'est ça, en train de péter les vitrines. Je sais pas, ouais, peut-être qu'on pourrait s'installer une table sur la rue Sainte-Catherine. C'est cœur, hein. Je sais qu'on se bench proche du HMV, là. Ok, si jamais ils gagnent la coupe ou quelque chose de même, c'est comme broadcast live, là. Ah, on pourrait. Faudrait essayer. Ouais. Mettez iPhone en. Ok, on pourrait peut-être aller faire un essai. Genre, on pourrait se rendre au parc Émilie Gamelin. Ben non, mais sérieusement, si on veut essayer de faire du live devant public, en gros guillemets, on peut aller dans un bar sportif. Là, genre. Ah ouais, il y a pas une place justement à Saint-Jean là, qui genre, y a du hockey. Au Buck. Yes. Au Buck. Hey, ça serait propre. Mais on a juste recommandé la bière puis on plug le au Buck en masse. Là, ça va sûrement les aider. On va sûrement avoir 3-4. On va un ou deux réguliers là. Sont parfaits. Le gars qui danse dans le coin tout seul en regardant la terre. Hey, on n'entendra jamais rien, sérieusement. Au Buck, là, la musique est tellement forte entre les périodes. Oh, ben, là, ça va être nous autres qui va jouer. On va diffuser live. Bon, on va pogner comme du monde trop chaud. Là. Ok, y a-t-il des questions? Micro open. T'es carré. Mis dans le micro. Je suis comme indécis si j'aime l'idée. Moi, j'aime ça. Déjà. Non, c'est un peu suicide. Ouais, là, c'est suicide. Ben, écoutez, faudrait y penser. Faudrait planifier le tout. Ça pourrait se faire, là, quand même. Un épisode spécial. OK, non, mais si on gagne la coupe, on va célébrer ça. Mais faudrait peut-être... On le fait sur Sainte-Catherine. Vraiment, là. Vraiment, sur on a un char allégorique, puis on podcast pendant... En plein milieu, comme dehors, là, avec un petit fanion du Canadien. En plein milieu de dehors. Puis on essaie d'avoir une entrevue de quelqu'un, là, de proche du centre belle, là, à quelque part. Hey, oublie ça, là, on va se faire crasher notre pupitre, là. ça va tout envoler, là. On se plug en dead ring, mon gars. Ben, je sais pas, parce qu'on pourrait, comme, on va avoir de la misère, on va se faire poivrer par la police, là, sûrement. C'est vrai, j'avoue que là, des attroupements de monde dans Montréal, à cette heure, c'est rendu risqué. Effectivement, on n'a pas l'air, on n'est pas masqué. Hey, anyway, on est loin de ça encore. Ouais, on va commencer par entrer en série et voir comment on va. On est loin d'avoir la coupe aux lèvres. Oh non. Hey, où est-ce qu'on peut vous rejoindre, les gars? Ben en fait, je vais dire où est-ce qu'on peut vous rejoindre. Dave. C'est moi à paix. Dave, c'est moi à paix. La joke qu'il fait à chaque épisode. Hey, ouais, mais sur, ça, la marche, regarde. Twitter, tout le monde, Dave ouais, mais c'est passé la première fois que je l'entendais, excuse. Ah non, mais c'est bon, mais Dave qui était à Atmos. Je la connaissais pas. Ouais. Mais écoute, c'est une bonne blague. Pour ceux qui nous écoutent la première fois, elle était très drôle. Vous serez déçus dans le prochain épisode. Vous la connaîtrez. Martin, vous serez averti. DMV0480, Alex Draven SS et moi, JF Cromp. Ben, c'était la soirée du podcast. Fais-tu un résumé rapide? C'était un excellent résumé qu'on vient de faire là. J'ai pas entendu Dave. Dave, c'est Monsieur Mini-Wheat.